Il s'agit du flow de caste. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, bienvenue. Oh, je le fais au ralenti pour être sur okay. Deux trucs. Incroyable. Ok. Toi, tu l'as fait vite, moi je l'ai fait en 0,5. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, comment vas-tu? Je suis de bonne humeur. Contrairement à la dernière fois où j'étais une humeur massacrante. Ah, c'est vrai, t'es de mauvais poil. Oh là là. Peut-être pas quand même. La Saint-Barthélemy de l'humeur. Ah ouais, quand même. Non, là, là c'est bien. Non, t'es bien. Je vais plus sur Insta, il fait beau et voilà. Ah oui, tu m'as dit ça. Je t'ai envoyé un message et tu m'as dit que je peux pas répondre parce que machin. Ouais. Tu le mets que sur l'ordi. Non, en fait, il y a eu. Bon, allez, première reco de tech. Oh, régale-moi. En fait, il y a une app qui s'appelle Beeper et ça permet de quand même recevoir les DM Insta, mais sans avoir Insta quoi. Oh, pas mal, pas mal. Ah, mais tu vas plus sur Insta là ? Non, donc du coup, ça permet parce que effectivement, comme parfois, j'ai quand même des amis qui me parlent sur Insta, j'ai pas envie de couper les ponts. Mais c'est gentil. Ça, c'est gentil, Adrien. Non, mais on se parle aussi sur WhatsApp. Oui. Je parlais pas de toi. Mais bien sûr. Notre premier invité, parce qu'on n'est pas tout seul, bien sûr. Bah, on a deux invités. Notre première invité, elle est scénariste, actrice et réalisatrice. Vous l'avez peut-être découvert à Golden Moustache, tard l'époque. Depuis, elle a écrit et réalisé Le Genre Humaine, les courts-métrages Hippocampe et Fantasme. Et elle vient de sortir sa série Bouchon sur Arte.tv, co-réalisée avec Amaury Dequay. Une série qui m'a fait hurler de rire et ému aux larmes. Voilà, je l'ai vu au cinéma. Je t'ai entendu dans la salle, Fragile. Ça m'a ému aux larmes. Non, ça les m'a rires, ému aux larmes. Pas les larmes. Ouais. J'ai pas fait. C'était les rires qu'elle a entendu. Non, mais c'est vraiment un des meilleurs trucs que j'ai vu depuis pas mal de temps. C'est dispo sur Arte.tv et sur la chaîne YouTube d'Arte, ça faut le dire aussi. Oui, c'est vrai, les gens ne le savent pas, mais tous les épisodes sont sur YouTube également. Mais il n'y a pas les sous-titres jaunes de Arte, ce qui est une petite déception de mon côté. Ça, c'est dommage. Mais en tout cas, je suis très ému de voir tout le chemin parcouru depuis toutes ces années. Elle qui était quand même une stocomaniaque, c'est Éléonore Coste. Ça veut dire quoi, stocomaniaque? Quoi? Laisse tomber, applaudis. Ah, attends, pourquoi? Tu te souviens pas? Bah, t'es une stocomaniaque, Éléonore. Mais c'est quoi? T'as fait des petites vidéos pour Stocomania il y a quelques années. Eh, mais comment tu le sais? Qu'est-ce que c'est Stocomania en plus? Bah, oui, mais le truc. Alors, mais attends, comment tu sais? Stocomania, c'était. Donc, c'est une chaîne comme Jiffy ou comme. Truc comme ça. Si je peux me permettre, Action. Il a cherché ton nom sur Google, voilà comment il sait. Mais attends, pas de mystère, j'ai entendu parler de ça. Non, non, t'inquiète, c'est pas le premier truc qui sort. Il y a d'abord Bouchon. Il a digué. J'ai un peu digué. Non, on en avait parlé à l'époque. Ah, c'est vrai. Et voilà, et le truc, tout le truc des vidéos, c'était Éléonore est une stocomaniaque. C'est pas vrai. Je m'en souviens pas. Mais j'étais grassement payée. Ah bah oui. Et c'est important de le dire. Non, mais bien sûr. Notre second invité, il est comédien, auteur et récemment humoriste. Oui. Puisque tu oui. te produis sur oh les bah, scènes. Ça se voit pas là. Êtes... Oui, oui. Larmes aux yeux. Ouais, je suis féru d'humour. Non, mais c'est vrai, si vous êtes sur Paris, vous l'avez peut-être croisé sur une des nombreuses scènes ouvertes, dont Le Cartel de Justine Le Potier. Bah, oui. Lui aussi, vous l'avez peut-être découvert à Golden à l'époque. On l'a vu récemment au cinéma, dans des films réalisés par Pierre-François Martin Laval ou François Dezania. Il était aussi sur Netflix, dans les séries Détox et Lupin récemment. Ouais. Il retrouve Éléonore Coste dans Bouchon, dans lequel il est hilarant, quasi 10 ans. Jour pour jour, après avoir travaillé ensemble dans Le Paix. Exactement, je dis, on a le casting du Paix là. Ouais. On pouvait entendre Éléonore dire, je le rappelle, j'arrive pas à croire que je vais coucher avec mon Paix. Que de chemin parcouru, c'est Nicolas Bernot. Salut tout le monde. Quelle belle intro. Ah ouais, magnifique. Faut le dire aux gens, à l'époque, je sais pas si vous savez, on avait un truc qui s'appelait Le Lab, qu'avait lancé Vladimir Dinov, qui était en gros un endroit où on pouvait faire des sketchs sans se taper. Disons le nombre énorme d'abonnés de la chaîne YouTube qui des fois pouvaient taper en disant ils sont où les suricates et puis machin, on veut des sketchs d'Intel. Et du coup on pouvait tester des trucs sur le lab et Léonore, parce que j'étais directeur artistique à l'époque. C'est toi qui as validé. J'ai validé, mais il n'y a pas eu de V2. C'est allé. Non. C'est parti direct en prod. Comme un vrai P quoi. Ça a glissé comme un P. Elle me dit j'aimerais faire un sketch où je matérialise mon P avec un être humain et je parle de mon rapport au P et tout. Et ce sera Nicolas Bernot qui interprète. Mais ça venait d'un rêve. J'avais rêvé que Nicolas était mon père. Ouais. Et du coup, je l'avais raconté en réunion. Et je crois que je m'avais dit, écris-le. Ah, c'est comme ça que se crée un petit peu la magie. Là. Et tu l'avais pris comment, toi, quel rêve que t'es son père? Ah, je sais pas, moi, tu sais, je prenais tout et n'importe quoi. Ouais. Mais tu te rends compte que sur la feuille de service, il y avait écrit Nicolas Bernot, le PES. Mais surtout, on était payés, quoi. Ah ouais, ouais, ça, c'est vrai, c'est cool. Ça, c'est alors, c'est pas grassement, contrairement à la clairement pas. C'est pas la Stokomania, mais on était payés. Mais quand même. Juste aussi pour dire aux gens, on enregistre chez moi, alors que ça fait quelques jours que je suis pas venu. Oui. Le chat a pissé. Il y a littéralement une mouche qui s'est posée sur Nicolas pendant que vous parlez tout à l'heure. Il y a une odeur à toi. C'est une phase du pêche. Putain, il est. Oh, c'est toi. En vrai. Ah putain, mais c'est vraiment la merde. C'est pas du tout un pêche. Putain, la magie du cinoche. C'est pas un vrai pêche, le mec. Ah, moi j'incarne, tu vois. Mais oui, bah tu es le Daniel Day-Lewis du paix, quelque part. C'est une mouche à paix. Oui, donc c'est pour dire oui que ça pue la pisse. Ça pue un peu la pisse chez moi. C'est ça la fin de. Fortement désolé, pardon. Et aussi, alors avant qu'on commence le jeu du Floodcast, je tenais à faire des débunkages. Tu veux te battre ? Non, non, c'est gentil, Nicolas, merci. Non, mais je propose, on ne sait jamais, parce que parfois c'est bon pour les articulations. Non, il y a du débunkage parce que récemment on a dit qu'on parlait de Libération qui faisait des jeux de mots quand des gens mouraient. Tu sais, oui, souvent oh, ça. Putain, tu m'offres une. Pardon. Non, vas-y. Et donc, il y a des journalistes de Libération, parce que moi je disais, on dirait qu'ils ont préparé tous leurs jeux de mots en avance et qu'ils les sortent quand les gens meurent, quoi. Et on m'a dit, pas du tout. On m'a dit, non, c'est une vraie réunion de rédaction. Mon rêve, c'est que certains proposent des jeux de mots. Enfin, tu vois, il y a un choix du jeu de mots. Mais en tout cas, c'est pas préparé à l'avance. Mais là, il y a Bernard Pivot qui est mort. Ah, et ils ont quand même titré, il a fermé les guillemets. Oh là là. Mais du coup, on en parlait parce qu'ils avaient titré pour la mort de Toriyama Dragon Ball Dead. Ouais. Et il y a 3 jours, je me suis dit, ils auraient pu mettre Shock Bar DBZ. Ah oui, ah oui. Ah, j'ai pas compris. Bah, je m'en doutais. Tu vis à la campagne. Shock Bar. En fait, en ce moment, tu te rends compte de la chance que t'as. C'est la vie dont je rêve. En ce moment, t'as une expression chez les jeunes, hein. Qui s'appelle... Pour dire que t'es choqué, tu dis choc barre de baiser. Voilà. Mais baiser, tu l'écris BZ. Voilà. C'est quand t'es choqué. Après, c'est parce que je suis humoriste, moi. Mais c'est déjà. C'est déjà ringard. Mais c'est les c'est déjà ringard, effectivement. Sur Internet. Sur TikTok que j'ai vu ça. Ah oui, TikTok, parce que. Maintenant, on dit je suis chocala au lait. Non, c'est pas vrai. Allez, j'ai essayé de lancer une mode. J'ai essayé de mode, ça marche pas. Je suis délichoc. Je suis délichoc. Oh, attention. Attention, je suis délichoc, je peux adorer. Hein. Et aussi, dans le dernier épisode, je parlais de la mode. Alors, je sais pas s'il y a eu ça chez ton enfant, Éléonore. Je parlais de la mode dans la crèche de ma fille, à savoir, ma fille, elle met des T à la fin des prénoms. Non. Non. En fait, ça la fait hurler de rire. Apparemment, c'est la mode qu'il y a dans sa crèche. Ah ouais, où elle dit, par exemple, Nicolate, Adriente, Lolote. C'est très drôle. Voilà, elle adore ça. Et j'ai reçu plein de messages de Daron et de Daron qui me disent que eux aussi il y a ça dans leur crèche. Bah, c'est des débiles. C'est fou qu'il y ait parmi les enfants ces êtres primaires, ouais, qu'il y ait quand même une forme de réseau. Ouais. C'est comme les champignons. 2-3 ans. Quoi. C'est ça. Et un sens de l'humour. Ouais, ouais. Et un sens de l'humour, génial, de putain. Ça nous fait tous rire un peu partout en France. C'est mettre des T à la fin des prénoms. C'est drôle. Mais comment c'est. Putain, c'est fou. C'est comme Koubé. Non, mais c'est comme une pandémie. Ouais, c'est ça. Il y a un gosse qui vient à Paris, il entend le T, il fait ah, ou l'inverse d'ailleurs. Ça se trouve, c'est la province qu'il a inventée. Bien sûr. Attention, Adrien. Attention. Oh là là, oh là là. Oh, attention. En région, bien sûr. Tout va mieux quand on est en région. Décentralisé. La même chose, la même chose. Le même concept avec un autre. Mais pas après 20h, hein, par contre. Parce que tout est fermé. Donc, on va jouer au jeu du Floodcast. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui concerne 67% des utilisateurs de voitures? L'arnaque. Le seum. Pas le seum. Ah, tu t'approches, ceci dit. Ah, le road rage. Qu'est-ce que le road rage? C'est s'énerver au volant, genre. Eh oh. Écoute, c'est alors c'est plus précis que ça, mais t'es dessus. C'est quoi, c'est les, ouais, les se battre. Non, pas se battre. Ouais. 67%. S'insulter, hein. S'insulter au volant. Ah. Insulter les gens au volant. Ah, je trouve même le chiffre. Ouais, après, Adrien. Oui, c'est bas. Non, ouais, allez. Moi, je suis d'accord avec Adrien. Je trouve ça bas. Ouais, ouais. 67%, c'est pas. Bah, parce que peut-être qu'il y a. Pardon, excuse-moi. Mais peut-être qu'il y a juste des gens qui mentent. Oui, qui disent. Insulter. Ouais. Non, ouais. Moi j'ai pas d'ego et je ne m'énerve pas en fait. Les gens qui disent j'ai pas d'ego, t'en as énormément. Je suis bienveillant, gens... pas oui. Tant, t'as ouais. Besoin de le dire. Ouais. C'est un fléau. Toutes ces phrases ont été prononcées dans le podcast. Je fulminais sur le moment, j'ai rien dit. C'est un fléau qui prend chaque année de l'ampleur. Les Français sont de plus en plus agressifs au volant. Ainsi, selon le 14e baromètre de la conduite responsable de la Fondation Vinci Autoroute, un peu long, ouais. 67% des conducteurs injurient. Les autres automobilistes ont dit que dans le même temps, 88% ont peur du comportement agressif des autres conducteurs. Mais ça, c'est très dangereux. Moi, ça m'est arrivé, hein, d'insulter quelqu'un et je me suis fait poursuivre avec une meuf oui. En scoot avec une ah ouais. Patte. Non mais attendez, c'est un jeu vidéo. On était avec Rafou et c'est vrai vraiment, elle nous poursuivait avec sa batte et ça a été une des peurs de ma vie. Quoi. Tu l'avais pas insultée. Pourquoi tu l'avais insultée? Elle t'avait fait une queue de poisson, un truc? Non, elle était mal habillée. Rien. Elle passe à côté. Non, mais sale conne. Rien de. Ouais. Enfin oui, je m'étais énervée. Je sais plus ce qu'elle m'avait fait. Elle était passée près de la voiture. Il y a longtemps. Mais attends, tu l'avais insultée genre fenêtre ouverte du coup? En fait, je l'avais pas insultée, je m'étais moquée d'elle. J'avais dit tu vois. Ah ouais. En fait, plus ça va, plus t'as le mauvais rôle dans cette histoire. Plus je suis du côté de la meuf avec la batte. Je lui ai fait une queue de poisson, la meuf elle s'est plaint. J'ai fait avec tes fringues de grosse conne. C'est elle qui m'a insulté et j'avais ouvert la fenêtre, j'avais fait Ah ouais, bah elle a sorti la batte, ouais. Elle a sorti ouais, je repasse de ton côté là. Ouais, bah ouais. Ça n'a aucun sens cette histoire. Mais cela dit, moi je trouve que de toute façon les gens ils entendent pas ce qu'on dit, donc il y a un côté un peu libre. Enfin, quand tes fenêtres sont fermées, tu vois. Tu dis, mais putain, quoi, tu te lâches, t'es tout seul. Ça se voit quand même. Y a un... Ouais, mais je trouve qu'il y a un côté, tu peux te lâcher et les gens entendent pas, donc c'est pas grave, tu vois. Celui qui est à côté de toi, c'est vraiment. Rafou, elle fait ça en voiture, c'est horrible, je veux plus monter en voiture avec elle, ma soeur. Mm. Parce que vraiment, c'est enculé. Et toi, t'es là. Franchement, je tombe pas de ma chaise dans ton Et tu prends tout, quoi, C'est horrible d'être en voiture avec des gens comme ça. Ah oui, c'est horrible. Moi j'ai arrêté la moto pour ça parce que je me suis rappelé qu'en moto on entend tout du coup. Ah oui. T'as juste ta petite visière. T'as plus de moto? Non, j'en ai pas repris. Mais justement à cause du stress que ça provoque. En vrai, vraiment une mouche qui tourne autour. Désolé, mais c'est fou. Allez. Elle tourne autour de comme dans tête. Les BD, c'est pour montrer que quelqu'un pue. Tu lui mets une petite mousse autour comme ça. Gaston. Tout simplement à Gaston Lagaffe. Je pense que si t'as pas d'argent, tu vas tirer tes poches et il y a une mythe qui va directement. Si je dis un truc gênant, il y a une libellule qui va en saccadé. Mais ouais, ouais, non, en vrai, j'avais ce choix là de reprendre une moto et je l'ai pas reprise pour ça. Ouais. Parce que c'est un stress permanent et en moto, oui, j'ai eu des altercations assez absurdes. Puis à Paris surtout. À Paris, les gens. Et en plus, oui, l'insulte sort facilement, mais pour le coup, oui, le fait que tu sois pas protégé par l'habitacle, ça part en baston très rapidement. Ouais. Quoi, ouais. Tu t'es battu déjà? Accroché violemment, c'est pas allé jusqu'au coup. Accroché par le callback. Ouais, voilà, okay. Tu sais, ce truc ridicule comme dans les BD. Vraiment, décidément. C'est vraiment un personnage. J'ai mis dans une BD en fait. Ah, moi, bon, j'ai de la vapeur qui est sortie du nez. Quand je suis mal, je suis vert. Moi, je suis un carrément vert. Blurp, excusez-moi, j'ai mal digéré. Donc oui, les mauvais comportements se multiplient. Et alors, sachez que cette agressivité, pardon, est typiquement française. Si on regarde les résultats au niveau européen. Ça va, putain, quoi. Là où je pense que c'est n'importe quoi. Oh, les Italiens, ouais. Attends, non, vous avez même déjà conduit en Italie, c'est des malades aussi. Oui, mais ils insultent pas. Enfin, en tout cas, moi, ils klaxonnent. Je pense que là, c'est parce que qu'est-ce qu'ils en savent, Vinci? Ils ont fait des stats ailleurs? Non. Ouais, commence pas à t'énerver contre Vinci. C'est des gens qui font du très beau parking. Très belle peinture aussi. Les autoroutes également. Et c'est vrai, ils font tout. Il y a un état d'excitabilité dans la société qui revient au volant. La route est devenue un lieu d'embrouille, ajoute Ronan Chastelier, sociologue, professeur. Oh là, eh ben je m'emmerde. Un lieu d'embrouille. Le simple fait de rentrer dans l'habitacle produit une sorte de métamorphose et donne lieu à toute forme de décompensation. On n'est plus le même, tout simplement. Seulement, alors malheureusement, seul l'accident grave fait changer le comportement sur la route pour 92% des conducteurs sondés. Et je respecte énormément les 8% qui ça change rien. La personne est morte, il faut. Et alors ? Et ben voilà ! Super ! La fête que de poisson ! Attendez, il est mort. Hein, juste... Vous pouvez nous laisser l'emmener dans l'ambulance. Ah bah il est mort, mais moi je travaille, moi, monsieur. Je monte dans l'ambulance avec, j'ai pas fini de. Il est vraiment en train de mourir. Hein, lâchez-lui le col. C'est une affaire de minutes. Hein. Justement, il a besoin d'entendre avant de. Il emmènera ça en enfer. Alors c'est facile, on meurt pendant la phrase des gens. Lâche ! T'es lâche ! T'es quel genre de conducteur, toi, Adrien ? Oh bah. Oh là là. Non, moi je suis assez. Je suis assez prudent et. Je suis pas agressif. Enfin, en fait, ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont. Ce qui peut me faire monter vite, c'est les gens qui ont un comportement agressif et dangereux. Mm. Parce que déjà, on sait que. Rouler vite et genre les gens qui pour doubler te collent à tu fais genre mais ça, c'est juste dans le jeu non, en fait je te vois derrière, je sais que tu veux me doubler, t'as pas besoin de te coller, tu vois. Donc c'est vraiment de l'imbécilité. Ça, c'est un tiers des conducteurs à vous-même coller délibérément un véhicule d'un autre véhicule. Ça me un tiers, c'est... là pour le coup c'est énorme, c'est vraiment dangereux. Je suis comme Adrien, c'est ça qui me rend violent. Ouais, moi aussi. Et ça me, enfin surtout en premier lieu, ça me stresse de fou parce que j'ai un mec à 1 mètre, donc ça veut dire que t'as un truc en plus à surveiller. En plus, moi, j'ai un camtar où il n'y a pas de, il y a pas de vitre à l'arrière quoi, donc la visibilité elle est un peu réduite, donc quand les gens et puis oui t'as pas de rétro du milieu du coup aussi. Ah si si, parce si que t'as il y a les vitres arrière, ouais, ok, autant même, pour moi c'est quand bon, même, je quand même. Heureusement sinon ce serait un enfer, j'ai failli dégueuler par terre, ouais, tellement j'étais stressé, je comprends bien. Mais donc ça m'énerve, mais sinon moi en plus on sait que c'est ce genre de conduite agressive où tu veux doubler tout le temps et tout, tu gagnes 5 minutes mais sur le trajet. Mais oui, mais feu rouge au même en fait, quelques mètres plus loin, c'est... Des fois je fais le calcul quand je suis sur l'autoroute et tout et que je suis un peu plus au-dessus de 130, j'essaie de me dire OK, combien de temps je vais gagner si je reste à 140. En vrai, c'est ridicule. C'est rien, c'est 10 km par heure quoi, donc c'est comme quand il y a des embouteillages et les gens qui changent de fil tout le temps, ça me rend fou, mais tu ne gagnes pas de temps quasiment, tu vois, c'est bouché, donc oui, ça c'est très énorme. Et souvent c'est ça qui fait aussi que c'est encore plus bouché. Oui. Parce que en fait, du coup, des fois ça avance devant et lui veut rentrer, enfin c'est une catastrophe. Et moi je suis le genre à être catastrophe, ouais, une catastrophe. Si vous regardez l'état du monde actuel, ce que je viens de dire est la pire chose qui arrive en ce moment. Mais non, moi je suis le genre à rester peinard sur la voie de droite. Peinard sur la voie qui est ton EP aussi. C'est ça, ouais. Et non, moi j'aime bien. Si je peux rester tranquille sans en cruisine, juste, voilà, en cruisine. Je suis très bien comme ça, quoi. Ouais, moi je suis un peu adepte de. Mais quoi? Ça, c'est un peu. Ah oui, bien sûr. Sur effectivement des gens qui font la gueule ou qui machin, genre qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Après, je hurle hein, parfois aussi. Mais... ouais. Voilà. Bah, je te reconnais bien là. Mais sur les aires d'autoroute, toi, juste tout seul. À l'arrêt. Ouais. Je sors à poil sur le parking. Et quoi? Y a pas un seul sandwich vegan. Donc toi, tu t'es fait poursuivre par une batte, mais t'es quel genre de conductrice en règle générale? Tu t'es un peu calmée? Moqueuse un peu. Moi, j'ai eu un accident an où j'ai vraiment eu, j'ai cru mourir. Et moi, ça a vachement changé toute ma façon de conduire. T'as pas traumatisé au point de ne plus conduire? J'ai pas conduit pendant au moins 2 mois. Ah quand même. Ouais. Ok. Ce qui est peu. J'ai fait une thérapie exprès pour ça. Okay. Ah ouais, j'ai vraiment eu j'ai eu très très très peur quoi. Ah ouais. Et puis en plus, j'allais chercher ma fille et enfin, il y avait pas ma fille dans la voiture, il y avait pas ma chienne non plus, mais là je sais pas, la chienne elle serait morte, ça c'est sûr. Tu te refais le film un peu du truc. Mais parce que je l'attache pas. Maintenant, j'attache ma chienne aussi dans la voiture. Ah ouais? Parce qu'avant je l'attachais pas. Ah, et pas en fait, il faut les attacher. Putain, c'est un petit truc qui se met sur le harnais. C'est exactement. Et toi, tu l'avais acheté un petit lecteur DVD portable. En fait, elle a un petit spa. Elle a un spa dans le camion. À l'arrière, voilà, c'est ça. Je l'imaginais avec un cigare. Elle dirait, bolo, ralenti là. Du coup, beaucoup plus calme. Ouais. Et beaucoup plus. Mais maintenant, j'ai peur quoi. Oui, c'est ça. Donc le problème, c'est que j'arrive pas à enlever la peur et c'est très chiant. Moi, mon père, j'avais fait 3 tonneaux quand j'étais jeune, moi. Pareil, trois tonneaux trois tonneaux en voiture. Ah bon? Ouais, avec des gens dedans et tout, alors pas de grave, hein, mais bon, comment j'avais un peu. Comment t'as fait ça? Truc tout con, en fait, il pleuvait, j'avais 2 semaines de permis, donc je l'ai eu très tôt. Et il y avait une voiture en face qui était un petit peu trop au milieu de la voie, alors qu'il pleuvait, donc j'ai voulu me mettre sur le côté pour la laisser passer, enfin j'ai eu peur quoi, je me suis dit, mais là je vais me la prendre. Et en fait, j'ai roulé sur la côté, ma voiture a patiné parce qu'il s'était mouillé, donc là le cul est parti sur le bas-côté, donc j'ai eu un mauvais geste, j'ai voulu rebraquer pour me remettre sur la route. Et en fait, du coup, la voiture est partie en tête à queue et j'ai fait 3 tonneaux dans les champs. Voilà. Mais vous avez dû flipper. Hein. Et le soir même. 3 tonneaux dans les champs, qui est aussi ton album de Jazz Manouche. Bah, c'est ça. Putain, il y a 3 tonneaux dans les champs, aux vieilles charrues. Ouais, on est Flo et les chandeliers. Première partie de 3 cafés gourmands, il y a 3 tonneaux dans les champs. Et mon père, le soir même, m'a forcé à conduire. Ce qui était un peu rapide. Avec un flingue sur la tête. Ouais, mais il avait raison. En situation de braquage, comment tu conduis alors? Il a eu raison. Ta caisse, elle était pas abîmée? Hein? Elle était pas abîmée ta voiture? Ah bah détruite, c'était la voiture de ma mère parce que mes parents étaient divorcés. Son père a volé une voiture d'abord avec le flingue. C'est ça. Et du coup, elle est détruite. Et défoncée. Bien sûr. Non, et le plus dur, ça a été d'appeler les parents des copains pour dire désolé, il y a eu un accident de voiture et tout. Pour les rassurer. Ouais, pour leur dire, pour dire voilà, il y a eu ça et tout. Et je me souviens, j'ai un pote qui a dit je dois aller voir ACDC dans le sud. Donc appelle pas mes parents parce qu'ils vont pas vouloir que j'y aille. Donc lui, ses parents n'ont jamais su qu'il a fait 3 tonneaux en bagnole. Et toi, toi tu as dit à Paris maintenant plus calme. Mais toi tu conduis de la voiture en Paris? Ouais. Mais du coup moi je suis détente. Enfin j'essaye. Quand tu sors de Paris c'est l'enfer, le périph tout ça parce que c'est un stress permanent. Et dans Paris c'est l'enfer aussi. Dans Paris c'est l'enfer. Mais maintenant je prends la voiture que pour le voyage, pour les vacances. Donc j'essaye de me mettre dans un. Oui donc c'est associé à un truc sympa. Et comme je suis le seul conducteur quand je pars, j'essaye aussi d'être calme parce qu'il y a que moi qui conduis. Donc. Et moi j'aime trop conduire surtout. Enfin j'ai vraiment un plaisir de. Ah, j'adore avec, ça. Avec j'adore ma meuf ça. C'est toujours un peu pas la bagarre mais de qui va conduire la voiture. Ah bon? On adore conduire et tu sais même choisir la musique. C'est la bagarre à l'inverse. vraiment, j'ai pas, on n'a pas envie. Quoi. Ah, moi, j'adore, pas, moi, j'ai j'adore un truc... conduire pour le sentiment de liberté c'est que ça donne, tu vois. Et puis polluer aussi, j'adore polluer. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais t'es fou de pollution. Oh, j'adore ça. Je fais des collègues et tout. moi, j'ai un truc que, avec la conduite, c'est que tant que je suis pas au volant, je suis terrifié à l'idée de conduire. Mais non, mais pour de vrai, c'est marrant. C'est-à-dire que je fais des... C'est pas vraiment des cauchemars parce que c'est quand je suis réveillé, c'est-à-dire que je m'imagine en train de conduire et je m'imagine en train de... Tu fais des projections de... mais jamais en train de me faire mal à moi, mais de genre... Percuter un gosse. Ouais, voilà. Ouais. Et tu sais, j'ai... Ou alors j'avais parfois des flashs d'accident. Enfin bon, tout va bien. Je suis vraiment tout va bien. Ouais. Non, je suis en super santé mentale. Mais non. Et j'ai une angoisse de fou. Mon cerveau n'arrive pas à se dire que c'est naturel de se projeter à plus de 100 km/h dans une boîte à enfer. Oui, quoi. Bien sûr. Il y a un truc ultra flippant de la tonne de responsabilité que ça implique. Bien sûr. Mais une fois que je suis au volant, ça va. Quoi. Mais, ça, c'est mais jusqu'au moment où je démarre, je suis genre... Ouais. Après, je démarre, je fais « Oh, bah, ça va, en fait. Ouais, » Tranquille. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Il y a ce paradoxe entre ce côté, une fois que tu es au volant, tu dis bah, « Tout va bien. » et tout. Mais moi, j'ai toujours ce sentiment-là quand j'arrête la voiture après un long trajet, de me dire « C'est quand même fou. » Oui, tout ce qu'on évite comme danger en mais permanence. Mais ça, j'y pense tout le temps, le nombre de gens qu'on laisse conduire, surtout. Ouais, tu dis, putain, mais en fait, n'importe qui peut conduire. Ouais. Et quand je suis sur l'autoroute, j'y pense, je me dis, mais en fait... Faut avoir le permis, quand même. Oui, mais c'est pas... Ouais, mais n'importe qui a le permis. Et attends, moi, chez moi, dans ma campagne, là, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent sans permis. Ah, mais moi, ça m'effraie. Et qui conduisent aussi des voitures sans permis. Bien sûr. Et qui conduisent complètement bourrés. Et tu te dis, mais ces gens-là, ils sont sur la route, en fait. Mais en général, ils ont une voiture sans permis parce qu'on leur a fait sauter le permis parce qu'ils ont conduit totalement bourrés. Exactement. Ah ouais. Eh ben je vais prendre une voiture qui fait beaucoup de bruit, qui avance pas. Et je vais t'en mettre plein la gueule. Tondeuse. Mais le concept de voiture sans permis est un truc assez fou quand même. Bah oui. Mais il y a ça et elles sont elles sont devenues un peu stylées en plus. Ouais. Ouais, ouais, une voiture carrément. Sans permis récent, j'étais genre. Bon putain. Ouais. Ils en font même des petites décapotables. Mais oui. Mais oui. Magnifique. Mais après, on peut conduire un scooter 50 sans permis. Tu rentres dans quelqu'un, c'est la même chose. Ouais, ouais. C'est pas dingue. Je déteste les gens qui même prennent le vélo bourré. Tu sais. Les gens qui rentrent bourrés, qui disent j'ai pris un Vélib, j'étais bourré. Je te hais. Moi, à moto, j'ai fait avoir beaucoup d'accidents à cause des mecs bourrés en Vélib. Ouais. Qui font des oui, parce que tu mets les gens en danger en fait c'est pas genre bah au pire j'ai un accident bah non parce qu'au pire tu fais braquer quelqu'un au dernier moment il se prend un mur voilà mais bon, cette peur on redevient un petit peu quand même sérieux. Non mais cette peur de elle a adoré ouais mais il était bien. Comme dans une BD. Moi je ramène tout à la BD tout. Nico d'Angoulême regardez-le celui-là. Mais moi ce truc d'avoir peur de la mort enfin de genre l'accident peut arriver je l'ai absolument tout le temps moi, genre quand à Paris c'est peut-être quand ça qui fait les bons conducteurs même à Paris piéton je suis là et je me dis bon là franchement le bus qui arrive je fais un pas, il m'écrase. Ouais, ouais, j'ai ça tout le temps, tout le temps. Ah, mais ça me rassure. Hein. Moi, si aussi moi, je pense tout le temps à toutes les façons dont je peux mourir dans la journée. Ah, papy, depuis que je suis papa, à chaque fois, je me dis, je passe ma vie à sauver la vie de cet enfant. Ouais. Comment elle peut mourir c'est ça. Toutes les fois où elle peut mourir. Ouais, et à chaque fois, je la sauve et je me dis, putain, je suis stylé. T'as vu le nombre de fois que je sauve un bébé quand même. On dit Superman, mais pas mal quand même, moi aussi. C'est pour ça que je pourrais jamais promener ma chienne sans laisse. Ah bah à Paris c'est complètement fou. Bah y a plein de gens qui le font alors des fois parce que le chien tu vois qu'il est très bien dressé. Moi je la prends sans la mienne à Paris. Mais à Paris aussi ouais. Ouais. Ah ouais. Bah, t'es taré. elle pense à la mort. Elle a compris tu vois au bout d'un moment enfin. Il faut les habituer. Oui, ça reste un chien. Enfin je sais que moi Francky elle peut avoir un pigeon et courir. Non mais toi t'es. Même moi quand je vois un pigeon je. Donc je me dis un chien. Bah quand t'as pas ta laisse c'est cata. C'est à cause de toi hein, moi qu'elle est comme ça. Et t'as vu faire. Je comprends. J'ai pris deux bus cette semaine. Non, mais c'est vrai qu'en plus toi tu as. Mais parce que tu l'aimes énormément. T'es un peu angoissé souvent pour ta chienne. Non mais c'est justement pour ça. Mais comme toi avec ta fille quoi. Moi il y a un côté genre c'est là ah bah là elle traverserait la route. Enfin tu vois je me dis si elle avait pas de laisse je la vois des fois partir, les pigeons, par exemple, courent beaucoup vers les pigeons. Ouais. Et je me dis, bah là, si elle avait pas de laisse, elle partait sur la route, c'était terminé. Quoi. Enfin, cela dit, bon, ça n'a pas grand chose à voir, mais il y a quelques années, j'étais à Londres et j'ai vu un truc. C'était un peu marrant parce que c'était pour protéger un enfant. Ça a fait l'inverse. C'était vraiment. Il y avait des gens qui ont des laisses pour leurs enfants. Mais moi, j'étais contre et. Ah, tu es parti dessus Non, je le ferais jamais parce que le regard des gens, mais en réalité. Et bah, tu vois, si ça peut m'assurer un repas en terrasse tranquille. Par contre, dès qu'elle aboie, elle prend une décharge. mais je vois pas. En vrai, je vois pas où est le problème. En fait, ouais. Ça sécurise ton gamin. Et juste quand t'as un gamin qui court partout, bah oui, mais sinon, en fait, tu renonces à plein de choses. Là, ça y est, elle commence à grandir. On peut faire les restos en terrasse et tout. Ouais. Mais franchement, sinon, tu renonces à ça. Moi, enfin, ça... tu sais ce que c'est quand elle court partout, quoi. Bah, moi, ça va, j'ai de la chance. Elle court pas partout. Non, moi, c'est une geekos. Tu lui mets 4 livres et tu manges tranquille pendant 2 ouais, heures. Ouais, bah. Mais après, j'ai de la chance. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est souvent. Ouais. Ça dépend des jours aussi. T'as des jours, c'est ok pour lire un livre pendant une demi-heure. Ouais. Et l'autre jour, en fait, non, elle voit d'autres gamins. Ou elle voit Nico courir après des pigeons. Elle va vers pareil. Mais bref, ma mère faisait ça avec moi, en tout cas. Ouais. La laisse. Bah, là, en l'occurrence, là, ce que je voulais raconter, c'est que c'était un peu. Horrible et attends, marrant. Toi, t'as tenu en laisse ta mère ? Ouais. Ah, ça n'existait pas à l'époque, donc c'était vraiment une laisse de chien. Bah oui, vous avez mis un harnais et un vieil corde, quoi. Avec clouté. Tu dormais dans une niche, rassure-moi. Tu dormais pas. Dans la salle de bain. Ouais, c'est ça. Mais donc là, cet enfant à Londres, il y avait cette corde qui était censée le sécuriser, sauf qu'il y a une trottinette qui est passée. Oh, et en fait, il s'est pris le gamin est parti, donc il s'est pris la corde. Coup de la corde à linge. Et le gamin sur la trottinette. C'est ça. Et donc il y a eu un truc, bah. Nicolas va adorer une BD. Oui, c'était totalement. Ah ouais. Ça fait doing, boum. Elle sort quand Tellement enthousiaste. Elle sort quand là, je vais bien me marrer. Ouais. Je vais me faire un petit aller-retour à la FNAC. Je vais la précommander, putain. Quel objet culte du tout début des années 2000 fait son grand retour? Le Tamagotchi. Pas le Tamagotchi. Ah, ouais. Je crois que le Tamagotchi est déjà revenu. J'étais à un club ce week-end. Et il y avait le Tamagotchi R2D2, le Tamagotchi Baby Yoda. Grogu. Bah oui. C'est ça, c'est Grogu. Grogu, ouais. Ouais. Putain, un objet culte des années 2000. C'est du pas début, des vêtements. Tout début. C'est pas des vêtements. C'est pas des vêtements. Est-ce que c'est. Ah oui, non, parce que j'allais est-ce dire que c'est un tam-tam. Ce n'est pas ou un tam-tam. Un tatou. Pas ah un tatou. Oui, on peut dire aux gens ce qui était un tatou. Parce que, ah ouais, c'est fou. Parce que ça a eu une durée de vie très courte. Moi, tatou, je sais pas ce que c'est. Hein. Tatou, ça a duré un an, je crois. Ils sont très vite rendus compte qu'avec cette technologie, on pouvait juste faire des téléphones. Ils ont fait faisons ça. Ouais, oui, c'est ça. très vite. C'était des beepers, des pagers. Oui, c'est ça. Bah, imaginez un appareil avec lequel on peut envoyer que des SMS. Ouais, c'est ça. En gros. Et en recevoir, mais pas les conserver, je crois. Oui. Donc c'était juste comme les pagers de médecins, mais qui doivent même plus exister. Du coup, mais l'objet était trop mignon. Ouais, moi j'avais un tam-tam, mais ce qui est marrant, c'est que le summum de la technologie du tam-tam, quand ils ont fait la dernière version, c'est tu peux recevoir les spots météo. Ah oui, c'est ça. Je peux te dire que je savais à quel jour je pouvais sortir. Parce que y avait une différence, je sais plus lequel était lequel, mais le premier modèle. Si tu voulais envoyer un message à quelqu'un, mignon, non, bah vas-y, je t'en prie. Non, je regardais en même temps l'image. Le standard. Le premier modèle, oui, pour envoyer un message, il fallait appeler un standard donner le numéro et dicter. Bah, lui moi, dire ça, j'ai envie de ta queue. Ouais, viens vite. Ouais, mais c'était ça. Alors je précise, ne notez pas, mais c'est la queue, ça n'a rien à voir avec le. En fait, c'est un peu les télégrammes. C'était les télégrammes nouvelle version. Un peu, ouais. Mais c'est tout, il y a eu la deuxième version où tu pouvais écrire. Et là, moi je l'ai pas eu celle-là. Voilà. Mais ça a vraiment pas duré longtemps. Bah non. Oui, parce que je pense que effectivement, ils se sont dit, mais attends, avec ce réseau là, on pourrait peut-être transférer de la voix et faire des téléphones. Oui, putain, allez, faisons ça. Ouais. Alors donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, 2000. Est-ce que c'est de la tech un peu? Ah, c'est de la tech. Ah, c'est de la tech. Est-ce que c'est un palme? Excusez-moi, quand on parle de tech, il se transforme une console. Une console? Pas une console. Quelque chose qu'on transporte sur soi toute la journée? Ah ouais. Un Discman? Pas un Discman. Est-ce que c'est un MP3, lecteur MP3? Pas un lecteur MP3. Est-ce que c'est en rapport avec les jeux vidéo? Non. L'iPod? Non. L'iPod? Pas l'iPod. Premier iPod, parce qu'il y a Sylvequin qui a une. Redis iPod, ça va peut-être marcher. iPod? Non, parce qu'il y a Sylvequin qui a sombré dans une folie d'iPod. Il a racheté plein de vieux iPod sur Le Bon Coin et il les utilise pour écouter de la musique. Ah ouais, mais pour quel but? Moi j'ai encore mon iPod. Bah il est farfelu de la tech. Ouais, c'est ça. J'ai mon iPod Nano encore, je m'en sers. Ouais. À une époque, on pouvait mater des films sur l'iPod qui était quand même très petit. Ouais, je me souviens. Après, moi je regarde que des BD dessus. Bah, bien sûr. Cookie Flup que un petit papyrus. C'était bien. Pas chez les soviets, que des nouveautés. Quoi. Donc c'est un appareil qu'on garde avec ça toute la journée. Bien on sûr. Se trimballe. Une banane. Et non, c'était au début des années 2000, c'était genre une folie quoi. C'est high tech. C'est de la tech. Est-ce que c'est ludique? Comme Grégoire, tu veux dire? Oui. Wow, bien. Oui. Enfin, ce que t'appelles ludique, c'est. Bah, est-ce que c'est purement pour du divertissement. Ah non, non, non, c'est très utile. Ça a une utilité. Ouais, okay. Mais il y a aussi du divertissement dessus. Mais oh, c'est pas un truc. Donc c'est pas un truc genre iPod, machin, pour écouter de la musique. C'est pas une tablette. Enfin, non, les Kindle, c'est sorti après. Ah non, c'est est-ce que après, c'est ouais. pas tout bonnement les appareils photo, les vieux appareils photo. Ah non, mais ça, c'est vrai que là, il y a un retour de ça. Ouais, même les appareils photo jetables, en fait. C'est vrai, ça revient. Ouais, ouais, les gens aiment bien. Est-ce que c'est. À un moment, en fait, vous étiez le plus proche avec le tatou. Le franc revient. Est-ce que c'est. Alors attends, c'est pour communiquer ? Oui. Ouais. Ouais. C'est un. Ah, des Toki ? Ah, les flip-phones, quoi, les vieux. Les 3310, les trucs comme ça. Alors, pas le 3310 qui lui est déjà revenu depuis quelques années, c'est le 3210. Ah, le 3210, je l'ai eu. Le 3210. Ok. Ouais, c'est un téléphone. Ça c'est un Nokia. Oui, bien sûr, mais pourquoi il le ressort ? Pourquoi ? Là, il y a des gens qui ont dit. Moi, je suis un peu farfelu, j'ai un 3310. Il y a des gens qui ont dit. Putain, il est trop farfelu, la chance. Attends, moi c'est un 3210. Je suis encore plus farfelu. Ouais, non, mais c'est pour les vieilles personnes, non ? Alors, ouais. Et les dealers, mais c'est aussi pour. Oui. Non, c'est le nouveau truc des gens qui veulent. Maxence en a un, je pense. Pas être sur les Instagram et autres. Ils ont des vieux téléphones, comme ça ils ont pas tout le. Comment dirais-je, l'appel au divertissement. Oui, l'appel mais c'est la ça, je peux comprendre. Hein. Ça peut te plaire. Ouais, moi ça, ouais. Ça pourrait m'intéresser. Mais en fait, moi j'y ai pensé. Parce que tu lances un réseau de crack dans le porche aussi. Non, mais moi ça pouvait m'intéresser, mais vraiment écrire des textos en numérologie, ça casse bien les couilles. Bien sûr que non. Mais d'appuyer 3 fois sur 1 pour que ça fasse C ou des choses comme ça. Par contre, ça se faire un bon snake. Ouais, bah il est de retour. Il est dans le 3210. Mise au point par la marque finlandaise, cette légende était alors aussi recherchée qu'un iPhone aujourd'hui. Sorti il y a 25 ans, le mythique téléphone sera bientôt proposé à la vente dans une version modernisée. D'après le site Les Numériques. Non, mais moi, tu me fais un 3210 avec un clavier. Ça peut me chauffer, moi. Ça peut me chauffer. Ouais. Et ça existe, c'est sûr. Hein. Enfin, Et bah, ça me chauffe. Non, mais par exemple, tu me vois. Non, mais par exemple, il y a le téléphone chaud, dont j'avais parlé. Putain, j'ai oublié le Simple Phone. Non, c'est pas ça. Un truc où il n'y a rien. Mais en gros, c'est un téléphone où tu as juste t'as les textos. Ouais. Et tu peux, je crois, écouter de la musique. T'as les cartes aussi, enfin genre une sorte de Google Maps et tout. Ouais. Mais t'as pas, c'est tout ce que t'as quoi. T'as pas les mails. Si t'as peut-être les mails. Je crois pas. Non, je crois que t'as. Mais téléphone écolo. Non, c'est comment ça s'appelle celui le qui. Le Fairphone. Fairphone. Voilà, ouais. C'est pas ça parce que le Fairphone pour le coup t'as tout, t'as Insta, t'as tout ça. Ah, t'as des réseaux sociaux là. Oui. Le Fairphone, c'est juste que c'est censé être fabriqué dans des bonnes conditions. Ah d'accord, je pensais que t'avais pas. Et écolo, je suis même pas sûr. C'est juste faire dans le côté on le commerce. Les gens ne se suicident pas dans nos usines quoi, contrairement à iPhone. Ils font juste des burn-out voilà. Mais non, mais ils le gèrent bien. je retrouverai le nom, mais effectivement c'est un téléphone où tu as zéro distraction et l'écran c'est comme sur les Kindle, c'est du e-ink. Okay. Donc en gros la batterie elle dure ultra longtemps. Mais ça, quoi. C'est pas mal, hein. Et c'est pas mal, hein. Moi j'ai hésité à en acheter une époque. Ouais. Moi je pourrais être tenté à terme. Ouais. J'aime trop prendre des photos et des trucs comme ça. À terme Ben Arfa bien sûr. Non mais pour que Bernard Kindle. Tu vois, le vendredi soir et tu prends ton petit Nokia. Ouais. Jusqu'au lundi matin. Ouais. Oh, écoute, tu me l'as vendu. Ouais. Donc toi tu pourrais être séduit, toi pas trop. Si, mais je trouve que c'est gadget. Enfin, il y a des options mieux qui existent déjà, qui seront sans doute moins chères. Enfin, des faux, enfin des téléphones à la Nokia, il y en a plein déjà qui existent, qui doivent coûter 30 balles. Je pense que là, comme il y a un effet de mode, ils vont le vendre hyper cher. Oui, par exemple, les premiers 60 balles, c'est les premiers téléphones sans abonnement les moins chers. Je crois que c'est justement des petits Samsung à clapet qui ressemblaient à ceux qu'on avait dans les années 90. Oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai eu ça très longtemps. Hein. Bah, et il y avait un petit accès internet. Bien nul. Oui, le WAP. Ouais, c'est ça. Ouais, le WAP. Oh, le WAP. WAP, WAP, WAP ça m'a fait du bien. WAP, WAP, WAP. On t'avait fait le jingle à l'époque. Le WAP a pas d'app, c'est ça le problème. Bah, oh là là, le WAP a pas d'app. C'est le titre, hélas, de l'épisode le moins écouté de cette saison. C'est propre les verres ? Ah, c'est pas les cas. Ai lavés. Ah, non, parce qu'il y a un fond d'eau, donc c'est normal. Oui, c'est normal. C'est un fond d'eau parce qu'Adrien les a lavés avant vous arriver. C'est le fond d'eau de l'amitié. C'est la pisse du chat. C'est la pisse du chat avec laquelle j'ai rincé. Elle est impeccable. Toi, tu pourrais être séduit, Nicolas ? Non, pas spécialement. Mais parce que comme j'ai vécu cette époque-là. C'est cool de l'avoir vécu, mais il y a un moment donné, enfin tu vois, je vais pas être là à geeker la nostalgie à ce point-là, quoi. Moi, j'ai un truc, je suis revenu en arrière sur un truc, j'ai un agenda papier, et en fait, c'est pas mal. Ah oui. Parce que alors les auditeurs ne le voient pas, mais ils peuvent peut-être le deviner. Adrien fait non de la tête. Mais alors vraiment. Non, mais il y a beaucoup de gens qui. Non, font mais ça, c'est ça. Parce que j'avais. Beaucoup oui, mais pourquoi alors? Parce que je l'ai fait moi et ça m'a manqué de pas avoir mes petits trucs sur. Bah oui. Bah moi, je trouvais que c'était une sollicitation en plus. Mais peut-être que je l'ai juste mal paramétré, hein, ce qui est possible. C'est-à-dire que la veille, j'avais une notif. Ah, une heure avant, j'avais une notif. Bah, désactive les mais notifs. T'as mis trop de notifs. Tu mets trop de notifs. Mais oui. Il sort sa BD là, tellement il est ouais, là. Ouais, putain. Non, mais tu les désactives. Oh, bah, j'y ai pas pensé. Bah écoutez, c'est mais pense-y. Que... Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais ton agenda papier, t'arrives à l'emmener avec toi? En fait, j'adore. Mais moi, j'ai un truc qui. Tu pourras me le montrer? Oui, écoute, on va se faire ça. Quand j'ai commencé le métier, c'était indispensable. C'était le tout petit agenda qui tenait dans la poche, justement, pour noter tous tes rendez-vous. Oui, mais je trouve ça dur de trouver je celui qui je bossais pas à l'époque, donc je peux te dire que c'est simple. C'est très simple. Il y avait les contacts aussi, t'écrivais ouais, tous ouais, les voilà, contacts ouais. du truc. Mais c'est dur de trouver celui qui tient dans la poche, je trouve. Alors, il tient pas dans la poche. Moi, j'ai toujours un petit sac à dos. Mais c'est pas un format A4 non plus, mais c'est un petit Clairefontaine sublime. Et puis le petit truc de. Tu sais, t'arraches le petit bout de page. C'est très satisfaisant. J'en suis là dans l'année. Ouais, c'est j'avance vrai. Dans mon année tranquillement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, bientôt c'est les vaches. Ouais, oui, non, mais j'adore. Une BD là-dessus qui est incroyable. Non, moi j'ai juste un petit carnet sur mon bureau où je me fais des to-do list, mais genre plus pour les trucs que je dois faire à la maison. Oui. Et j'aime bien le côté avoir mon petit carnet noté, et barrer les trucs. Ah, et tout, barrer tout. Les trucs. Ah ouais, oh là c'est là, génial. J'adore barrer les mais, trucs. Mais pour des to-do list que je dois faire en déplacement et tout, je fais une liste de gens, téléphone, tu vois, une liste de gens et je les barre comme ça, tu vois. Non, mais moi, barrer les trucs, c'est un truc qui me régale. Barrer les trucs où je me marie cet été d'ailleurs, vous venez tous à barrer les trucs. Ouais, barrer Lendon aussi, le film. Beaucoup d'infos d'un coup. Et moi, à une époque, j'étais foot Barry post-it. Lindon, ouais, je l'ai. J'étais foot je post-it t'aime. Également. J'en mettais partout. Non, mais t'es de choses à faire. Ah ouais. Ah, là, là, là. Ah ouais, oui. Petit post-it et tout. Oh, ouais. Écrire mes cours sur un frigo. Oh là là. Bon, mon t'as bonheur. Alzheimer. T'as Alzheimer. Je deviens vieux. C'est frigo, ça c'est armoire. Avec... Non, mais tu sais, il faut des trucs. Ah non, mais ça, alors je vous le conseille. C'est un truc qui est tout aimanté et tu le mets sur ton frigo et il y a le truc pour les courses. La semaine. Ouais, bah quoi, j'ai 200 ans. Non, mais là on est sur un truc. Ouais, ça m'intéresse. Je te barre de baiser. Hein, là, depuis tout à l'heure, on parle de sécurité routière, de mettre des post-it. Et sur j'ai les hâte frigos. De voir Inoxtag qui gravit l'Everest quand même. Hein, attention, hein, je suis quand même. Moi, je l'appelle Inox, donc c'est pour vous les dire. Petites blagues là sur Inox, trop marrantes, souvent. Mais voilà, et du coup, il y a tous les trucs. Et j'ai même passé le cap du daron, puisqu'il y a écrit par exemple papa absent. Tu vois, il n'y a pas écrit que Florent est absent, c'est écrit papa absent. Ouais, sur le, je comprends. Un petit daron. Ça et des chemises Levi's. Oui, parce qu'on est d'accord que toi, tu dis bébé. Genre moi petit... je dis bébé. Ouais, terrible ça. Mais j'ai pas bébé dépassé. Bébé à quoi? À ta mère? Genre pas... non, de dire non, je suis pas je me suis je suis pas Craig David. Bébé, genre là c'est l'heure du bébé de... ou deux bébés? Deux bébés. Mais je comprends pas comment ça tu dis bébé. Bah par exemple, je viens de le dire. C'est l'heure du goûter de bébé. Ah tu dis ça toi? Moi je dis ça. Une cata. Ah ouais. Mais cela dit j'ai pas. Non mais au moins il dit ça moins cata que dire de l'enfant. Ouais. Non, non. De l'enfant, c'est dur. Après, je l'appelle par son prénom, ça m'arrive hein, aussi. Mais... C'est, plus c'est plus cata, mais comme personne le dit, de l'enfant. Ah, si, si. Non, de l'enfant. Si, si. Non, mais dans les églises. Il va y avoir une non, BD mais... qui en parle. Non, mais dans les livres de d'éducation ou de trucs comme ça. Ouais. C'est l'heure de... Non, mais dans la vie, je parle. Oui. Non, mais moi. Moi, ma limite, et d'ailleurs, ça y est, il y a ça dans Bouchon, d'ailleurs, ma limite, ce serait d'appeler ma meuf maman, quoi. Ça, c'est... Ah, ça, c'est dur. Ça peut... Mais ça peut arriver quand t'as la petite. Franchement, quand t'as 40 ans de relation, tu mais sais c'est pas ça. Ce qui peut arriver. Mais bien sûr. Ah, non, et puis, ça fait tellement partie de la petite, tu sais, genre, de dire à la petite, bah, attends, devant maman, la petite... viens voir, tu vois, pour la petite, tu vois. Bah, moi, devant la petite, souvent, non, j'appelle Robin, enfin, je dis, ah, bah, papa, tu viens. Ouais, ça fait moins beau dans ce sens-là. Quand elle est là, tu vois. Mais moi, je dis quand même, j'appelle ma meuf par son prénom. Et du coup, c'est un truc très marrant que ma fille connaît nos prénoms. Elle nous appelle papa, maman. Ouais. Ah, ouais, mais quand ouais. on dit c'est quoi le prénom de maman, elle dit le prénom bah, de maman. C'est parfait, du coup. Ouais. Non, mais très stylé. Ouais, comme quoi, c'est malin. Comme quoi, faut appeler les parents par leur prénom. C'est ça. Simplement. Après, moi, j'aimerais qu'elle m'appelle père, mais c'est personnel. Ouais, c'est vrai. Voilà. À quel âge vous avez eu votre premier téléphone, du coup, Adrien? Oh, alors. Bonne question, ça. Je parce que t'es, ouais, vous êtes tous à peu près de la même génération. Moi, à peu près. 18 ans. Ouais. Un peu plus jeune, Lolo. 86. C'est ouais, 80, ouais. Donc ouais, t'es 80, la môme, la môme là. Oh la môme Piaf. Mon Dieu. Oh là, oh là. Attention. Oh putain. Oh, c'est comment vous allez, Edith? Oh la dame. Ça va bien. Oh la môme Piaf. Un petit verre d'eau, Edith. Ah vous plaisir de vous voir. Vous avez vu le petit film là de la meuf de taxi là sur vous? Avec Cotillard. Vous avez bien aimé? Oui. Vous êtes pas très loca. Vous parlez ouais. comme une porte qui grince. C'est-à-dire, j'aimerais pouvoir faire une impro, mais j'ai pas vu le film. Me permettre, donc je peux juste dire oui. Et Cotillard, voilà. C'est la limite de mon impro. Mais c'est bien déjà. Ouais. Putain, mon premier téléphone, parce que je sais que ma mère m'avait offert mon premier smartphone. Ah ouais. qui était un, mais je sais, putain, je sais plus. Et c'est toujours le même numéro. Donc ta mère te l'a offert, donc déjà t'étais mineur. Peut-être pas. Non, ou alors j'avais tout. Ah, ouais, 19 ans quoi. Enfin, ouais, ou non, ouais, si j'étais. Ah, je sais plus. Ouais. Non, je sais plus. Ouais, 18 ans. Et c'était quoi? C'était un. C'était un Android. Je sais un Black plus Bay le modèle. C'est BlackBerry. J'ai jamais eu de BlackBerry, non. Mais ah, après, BlackBerry, c'était vraiment un truc ouais, de businessman. Les... Ouais, ah ouais, ouais, ceux oui. Qui travaillaient déjà. Ou de dealer aussi. Dans... Ouais. Le film BlackBerry. Qui... Jamais sorti en France. Mais qui est cool. Ouais. Je conseille. Il y a un film sur la création du BlackBerry qui est chouette. Nicolas? Ouais, à 18 ans. Ouais. À 18 ans, j'ai eu un Nokia, pour le coup, un 62 quelque chose. Ah si, j'ai eu un truc à clapet avant, je crois. Putain. Je me rappelle plus. Là, j'avoue, je sais plus. Et surtout, c'était, oui, c'était un peu un événement pour moi, mais il y avait ces forfaits improbables, hyper chers et tout. Mais oui, bien sûr. Ça, donc, il y avait toujours cette hantise quand la facture tombait chez mes parents. Oui. De savoir si j'allais me faire défoncer. Parce que c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Ouais. Et le langage texto. Il y avait ça pour Internet. T'entendais juste le bruit de cette enveloppe qui se déchirait. Ouais. Putain. Ah ouais. Non mais surtout que c'était un, on parlait du langage texto à l'époque qui était raillé, moqué parfois. Oui. Mais c'était parce qu'il fallait que les messages tiennent parce que dès que tu dépassais un certain nombre de caractères, ça passait en deux messages. Exactement. Et ouais, c'était une fortune. D'ailleurs, à l'époque, tous les gens, les connards disaient, eh ben voilà, ils savent plus écrire, ils savent que écrire en langage texto. Bah plus personne aujourd'hui n'écrit en langage texto, donc c'est vraiment n'importe juste quoi. Sur le moment, c'est juste, bah non, ils écrivent comme ça quand ils écrivent des textos, et parce que c'est un truc de mode après. Oui, mais voilà. Alors après, maintenant ils vont plus écrire que comme ça, pas du tout. Après, permets-moi de devenir Pascal Pro l'espace d'une minute. Oh là là, tu vas poser la question. Je vais poser la question. Est-ce que c'est pas parce que le téléphone aujourd'hui fait la correction lui-même aussi et donc, non, mais il y a une différence entre déjà le langage texto et faire des fautes d'orthographe. Oui, c'est pas vrai. Parce que si tu écris en langage texto, ton téléphone, il sait pas ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Si tu mets le 1, si tu veux dire ça va bien, et le bien, c'est B-I et le chiffre 1, oui, le téléphone. Si tu écris TKT, il va pas dire ah oui, tu veux dire t'inquiète. Donc, oui, c'est vrai. Et c'est pas du tout. Parce que les gens disaient ah, ils écrivent en langage texto, donc il faut des fautes, alors qu'en fait. Non, c'est c'était deux choses différentes. C'est un autre langage. Bien joué, tout simplement. Bien joué. Mais comme d'ailleurs, je parlais comme une énorme racaille quand j'étais au collège, je rentrais chez moi, je parlais pas du tout comme ça. Oui, c'est ça. Donc, oui, et moi, je sais que TKT, très utile quand je prenais mes cours à la fac, parce que c'était. Le rythme était devenu fou. Après, je sais pas à quel moment tu cales TKT, t'inquiète, dans tes notes. toi, Léonore? Bah, moi, j'ai dû l'avoir à 14-15 ans, en troisième. Et c'était un vieux ou c'était déjà un smartphone? Enfin, C'était le Nokia, je pense que c'était le Nokia, Le truc qui ruinait beaucoup, c'était aussi, moi, je voulais avoir une sonnerie cool de téléphone. Ah, oui, et tu les téléchargeais. Tu les t'envoyais des codes. Sûr. Bah, j'ai eu Crazy Frog. J'allais dire, comme ça qu'est né Crazy Frog. Parce que même Crazy Frog, c'était déjà quand ça devenait en polyphonique. C'est quoi déjà Crazy Frog? Crazy Frog, c'est la grenouille. Ça, c'est pas Crazy Frog, les amis, c'est le flic de Beverly. Oui, mais ça gueule. Non, attendez. Bien sûr. Mais. Ouais, mais tu le reprends sur Crazy Frog aussi. Dans le flic de Beverly, il dit bring bring. Non. Donc c'est Crazy Frog. Non, c'est le sujet sur lequel faut pas le lancer. Je suis désolé, Nicolas. Non, il y a plein de choses où il est ok, mais là. C'est BD là. C'est une BD le flic de Beverly, c'est ça. Il a retiré son t-shirt. Tu as pu voir son tatouage. Je suis en prise de masse. Il y a Crazy Frog. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux gens, je n'aime pas tant Crazy Frog que ça. Vous n'êtes pas obligé de m'envoyer tous les trucs qui parlent de près ou de loin de Crazy Frog. Moi, je le Google parce que je comprends. D'ailleurs, je rêve d'une une option. Bon, après, moi, là, j'ai tout coupé. Ça, tu te souviens plus, Eleonore? Crazy Frog avec sa queue, là. Et il a la tub à l'air. Ça te dit rien? Si, ça me dit, mais c'est. Ah oui, à l'origine, après ils ont censuré ça. Il faisait ça, il faisait d'abord, à la base, c'est juste. Ah oui, c'était une pub! À la base, juste il faisait. C'est vrai qu'il y avait vraiment quelque chose. C'est juste un gars en technival. Qui a expliqué aux nouvelles générations, c'est très difficile, mais à la boxe, c'était juste une grenouille qui faisait bien la mobilette. Et c'était ça la sonnerie. Il faisait juste blablabla! C'était juste ça. Et ensuite, ça a tellement fait le buzz. Oui. Que c'est ils l'ont mis sur effectivement la musique du flic de Beverly Hills. Ce qui est logique vu qu'on était déjà en 2004. Et pourquoi t'aimes bien? Pourquoi t'es fan? Mais je suis pas fan, justement. Non, mais c'est en un fait, des trucs qu'ils préfèrent au monde. Voilà. Non, c'est juste que. En fait, c'est. Mais comme tu dis, c'est un truc. Ça n'a du sens. Ça n'a aucun sens du début à la fin, ce truc. Donc moi, si ça n'a aucun sens, ça me plaît. Ça régale. Quoi, oui, voilà, c'est ça. Et donc je trouve. Parce qu'en gros, il y a vraiment des albums entiers de Crazy Frog où c'est des reprises. Ou genre de chansons des années 80 beaucoup. Ring ding ding ding ding ding ding ding. We are the champions. Il y a vraiment des albums entiers de reprises de Crazy Frog. C'est la pire chose au monde. Ouais. Sachant qu'à la fin de l'album, il y a juste un truc de d'acapella de Crazy Frog, donc c'est juste une piste audio qui fait brim brim bam bam dans le silence le plus total. Bon bah oui, merci la vie. Moi j'ai baisé sur ça. mais je l'ai acheté en vinyle. Frog bar de BD. Ouais, mais il y a la BD Crazy Frog. Ouais, elle doit exister. Oh, sûrement. Non, mais en fait, il y a tout un lore en plus sur Crazy Frog que je trouve hilarant. On aimerait le recevoir dans l'émission pour qu'il parle de ses années. C'est voilà, ses années fastes. C'est un vieil alcoolique qui se balade à poil avec un casque. Non, mais c'est moi Crazy Frog. Tu veux quoi, Beverly Hills? Bah, je te le fais. Ouais, mais arrange ta bite. La bite était parfois supprimée hein, pour pas choquer les gosses. Hein. Ah oui, dans le clip, il n'y a pas sa bite. Bah, je crois que depuis, il n'a plus de bite. En fait. Ouais. Il y a une époque où il l'avait. Mais attends, il avait une bite. Ah oui, je l'avais. Il avait une bite. La Madame Piaf, vous êtes revenue. Une bite. Revenez avec cette chanson. Bah là, c'était... Oh là là, Edith Piaf feat Crazy Frog, attention. Mais en plus qui chantait jamais. Oh bah Madame Piaf, ça me fait plaisir que vous soyez revenu. Aïe aïe aïe. Aux USA, une petite fille se plaignait d'un monstre caché dans sa chambre. Mais de quoi s'agissait-il? Un monstre. Non. redis la phrase, pardon. Aux USA, une petite fille, elle se plaignait d'un monstre caché dans sa chambre. Alors que c'est pas Crazy Frog, hein, je vous le dis, ce serait vraiment. Parce que je repense à un truc et du coup j'ai l'image. C'est qu'il y avait Crazy Frog qui a un compte Twitter, qui me suivait d'ailleurs à l'époque j'étais sur Twitter avant que je parte. Et il avait fait un tweet où il avait écrit Goodbye World et c'était juste une photo de Crazy Frog pendu avec une corde autour du cou. Et donc tout le monde avait dit bah, qu'est-ce comment, qui se quoi passe? C'est horrible en fait. Et après ils avaient dit désolé pour le tweet précédent. C'est vraiment juste la blague, c'était hey, je me suicide ou quoi, c'est drôle. Bah non, là, c'est juste bizarre. T'as une corde autour du cou. Tu veux nous faire passer un message peut-être ou... Bah il est crazy hein. Donc... Ah, pour que je suis fan de lui. Donc oui, aux USA, une petite fille se plaignait d'un monstre caché dans sa chambre. C'était, et en fait, un c'était raton quoi laveur. Non. Un animal. Est-ce que c'était un trompe-l'œil, un truc où cette conne elle a confondu. Tu es les gosses. Pardon. Non, c'était pas un trompe-l'œil. Un clodo. Non. Attends, un animal d'une certaine manière, tu dis. Bah, oui, alors, oui. J'ai dit un clodo parce que l'humain est un animal. C'est oui, pour oui, ça que attention, dit, ah, attention, oui, attention. Oui, oui. Brem, brem, attention. C'était attention. Un humain. C'était pas un humain. Alors, un animal d'une certaine. Non, c'est un animal, c'est un animal. Un singe. Non, ah, pas un gros animal. C'est un insecte. Voilà, oh. Il connaît. Alors, c'est pas une araignée parce qu'une araignée n'est pas un insecte. Un scarabée. Oui, attention. J'ai écrit un film dessus. Est-ce que c'est un. Je connais. C'est un coléoptère, un truc qui vole. Oui, ça vole. Un cafard. Alors, autant vous dire qu'il n'y en a pas qu'un. Si ça, ouais. Une nuée de cafards. Pas une nuée de cafards. On s'approche. De frelons. On s'approche. D'abeilles. Ouais. Alors que. Une ruche, tout simplement une ruche. Alors, oui. Une ruche. Ah, bah du coup, ça faisait ils un. Ils ont fait une ruche. Des centaines et des dans centaines dans la derrière le mur. Oh. En fait, il y avait des centaines et des centaines. Ah, qui faisaient boum. Ouais, voilà. Ouais. Ça fait peur. Hein. Au départ, Ashley et son mari ne prennent pas au sérieux les craintes de leur fille. La petite, âgée de 3 ans. Commence à avoir. Oui, mais attention, les enfants mentent énormément. Ouais, vraiment. Bah ouais. Voilà, parce que. Mais bon, peut-être la première fois qu'elle se plaint du monstre, tu dis, mais non, regarde, je vais venir, je vais voir qu'il n'y a pas de monstre. Ouais. Et là, et tu constates qu'il y a des abeilles. Ouais, alors. Non, mais là, elle est pas en disant. Elles ont juste fait. Non, ça n'existe pas, les monstres. C'est qu'une ruche de 1200 abeilles, arrête. C'est ridicule. C'est juste ma ruche. Donc oui, prête pas au sérieux les craintes de leur fille. La petite âgée de 3 ans commence à avoir des terreurs nocturnes toutes les nuits. Elle paniquait, elle arrêtait pas de dire qu'il y avait des monstres. Elle voulait dormir dans notre chambre. À ce stade, ils ne vont toujours pas dans la chambre. Nous pensions en partie qu'elle cherchait notre attention parce que je venais d'avoir un bébé. Voilà, dit la maman. Ah. Pour la rassurer, ses parents lui montrent qu'il y a personne dans le placard. Ils font des blagues sur les monstres. Ils donnent un vaporisateur rempli d'eau censé être un spray anti-monstre. Malheureusement, rien n'y fait. Leur fille continue d'entendre des bruits et les cauchemars demeurent. Mais genre les abeilles, elles s'arrêtent quand mais tes parents. C'est arrivent. Ce que j'allais dire. Simplement. Derrière, elles sont genre. Attends. Les parents. C'est bon, ils sont partis. Non, les abeilles disaient je vais te crever gamine, je vais te piquer là dans les yeux là. Attends, là, tes petits yeux là, tu les fermes les une seule fois pour dormir, je te pique les paupières. Attends, il y a les parents. Et quand je te pique et que je m'enlève, ça m'arrache l'abdomen. J'en ai rien à foutre, je te pique quand même. Je m'arrache l'abdomen. C'est bon, ils sont partis. Ouais, ah, pique, là, j'ai du venin. Tu sais que j'ai du venin ou pas? Bien sûr que j'ai petite du venin. Petite merde. Un aspi venin dans les yeux, t'as déjà eu? C'est horrible. J'ai envie de voir la BD, putain. Un jour, Ashley et son mari remarquent des abeilles. rôder ouais, autour bah ouais. de leur maison. Mmh. Alors, ils appellent l'immigration. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'on disait, quoi. Rôder. Tu sais, elle traînait juste, elle marchait comme ça. En fumant des clopes. Bah quoi, on est sur le trottoir, on a le droit. On peut marcher, ça va, je vous regarde. Je vous regarde, je vous regarde. Je butine. L'arbre, il tombe dans la rue, c'est pas. J'ai le droit. Donc les insectes s'engouffrent dans le grenier de leur bâtisse centenaire. Ils font alors appel à des apiculteurs pour s'en débarrasser. À tour de rôle, les experts ont inventé un problème. Ils ne trouvent pas la ruche. Ah. Équipés d'une caméra thermique, ils scannent les murs et découvrent une chose étonnante. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui dit on entend des abeilles. Ouais. Donc, souvent des sourds hein, dans ce village. C'est fou. L'une c'est des Toy Story, mais avec des abeilles. Quoi. Quand il y a des adultes, c'est l'une des cloisons présente une activité thermique particulièrement forte. Pour vérifier son hypothèse, il frappe le mur avec un marteau. Tout se passe alors très vite. Les abeilles sortent d'un coup par milliers. Oh là là. Des essaims entiers s'échappent du mur. Un véritable cauchemar, nous raconte Ashley. Attends, juste, pardon, je me permets. Vas-y. Il a utiliser une caméra thermique, il a dit attendez, il y a énormément d'insectes derrière. Ouais. Je vais taper dessus avec un marteau. Ouais, bah ouais. Bon, ouais, ils l'ont payé au black le mec. Ils l'ont trouvé sur TikTok. Il faisait un live. Donc oui, il y avait des ruisseaux d'abeilles et le mur où il a frappé suintait du miel. Ça ressemblait à du sang qui collait le long des murs roses de ma fille. Un peu délicieux et un petit peu effrayant. Oh, tous ces antioxydants. C'est bon pour la peau. En plus. Oh, j'aurais jamais d'angine. Oh là là, ça va me régaler. L'apiculteur ne perd pas de temps, enfile sa tenue de protection et ouvre le mur en grand. En 40 ans de carrière, il n'avait jamais rien vu de tel, des milliers d'abeilles. Non mais, ça me fume que le mec, il avait pas sa combi. Il a dit merde, attends, je vais ta combi. Mais là, avant, gars, c'est fou de faire ça, quoi. Apparemment, il y avait 60 000 abeilles derrière le mur de cette maison. 60 000. Ça veut dire qu'il les a défoncées parce qu'il alors, les a comptées mortes. Alors non, il dit justement, il dit que, enfin, en tout cas, l'article dit qu'il a fait en sorte de les virer et ça a pris des jours. Justement pour les extraire sans les tuer. Comment a-t-il compté? Ouais. Oui, non, moi c'est ce que je veux dire. Vu sa méthode, il a juste dit n'importe quoi. Ouais. Clairement. Il y en avait combien 60 000. Ok. Bon, il a fait le coup de la boîte d'allumettes Redman, mais avec des abeilles. Quoi. Vous avez peur des guêpes, des abeilles, toi, Léonore? Non. Non, ça va, tranquille. Oui. T'as pas un animal qui te fait flipper, un truc? Non, peut-être pas. Hein. T-Rex. Bah j'aime pas trop. J'aime pas les araignées, quoi. Ah oui. Ouais. Comme mais tout le monde. Si, les requins, j'ai très peur. Ouais. Mais on n'est pas. T'es assez tranquille du coup. Bah attends, tu dis ça quand tu fais. Non mais. Comme si c'était fou d'avoir peur des requins. Ouais, franchement, c'est ridicule. Personne n'a jamais eu peur des requins. Non mais, c'est marrant comme peur, sachant que oui, effectivement, t'as peu de chance. Comment oui, tu sais que t'as peur des requins? Je peux pas aller. Je peux pas nager dans l'océan, par exemple. Mais voilà, c'est ça. Bah, c'est une vraie faute. Attends, tu peux pas nager dans l'océan? Ah non, je peux pas. Enfin, je peux aller là, tu vois. Et je peux faire trois brasses et ah après oui. je crie. Oui, donc. je crie. Là, tapis. Ah, mais vraiment. Ah, non, j'ai pied, comme les abeilles. C'est exactement. Elle peut ça. Arrêter de se baigner parce que nous, on n'arrive vraiment pas à se détendre là, à la plage. Hein. Elle nous ruine un peu nos vacances là, quand même. Ah ouais, j'ai ah ouais donc non, c'est une vraie phobie. C'est, ah oui. c'est un vrai ah truc. Ouais. Toi, Adrien des petits animaux, des petits trucs qui te font peur. Moi, les chats. À part évidemment, l'homme. L'homme me terrifie. Ah, le plus effrayant. La pire des bêtes. Ouais. Non, les chats me faisaient un peu flipper à une époque. Ouais. Il y avait un côté, mais je sais pas. Mais je suis toujours pas. Parce qu'ils pissent partout avant que t'arrives, c'est ça? Ouais, il y a ça. Il y a ça aussi. Ouais. Non, mais il y a le fait que, tu sais, ils sont un peu imprévisibles. Et puis dès qu'ils sont en stress, ils sortent les griffes. Mais on a déjà eu ce débat avec ça, c'est vrai, avec les chiens aussi. Non, les un chiens. Un chien peut te mordre. C'est pas pareil. Parce qu'un chat, il se met sur tes genoux, puis il commence à glisser, il te plante les griffes. Ouais. Du coup, toi, tu fais oh, puis il fait quoi il mais le détaré, chien, franchement, c'est en témoigne à Maury, hein, de ouais. Kay, ah ouais. qui s'est fait mordre par Romy. Ouais, mais il a fait n'importe quoi. Ton chien a très mal dressé. Elle dormait, il lui a fait un bisou sur le nez, elle l'a mordu. Ah oui, ah ouais. Ah ouais, oui alors ça, mais elle dormait. Elle dormait. Oui, elle dormait. Il veut qu'on lui fasse un bisou sur le museau, lui, quand il dort ou Oui, c'est ça. Moi, je dors et quelqu'un met son visage collé au mien, je peux le mordre. Ah oui. Mais tu l'as fait. Non, mais évidemment. Après, elle a mordu une enfant de 3 ans sans aucune. Bon, elle est... ouais, mais... après, sans doute très mal dressé. Le truc, c'est que c'est pas un chien. C'est un tigre du Bengale. Non, mais pour dire que c'est imprévisible comme le chat. Oui, c'est imprévisible aussi. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas aussi caractériel qu'un chat. Non, mais un chat, c'est juste que c'est. Déjà, ne faisons pas de généralité. Les chats sont différents. Je dis pas que c'est imprévisible, je dis que. Tu viens de le dire. Non, mais c'est pas pareil. Pas pareil. Tu l'as dit. Mais non, mais c'est ça va mieux. Qui me fait ça va peur, mieux. Après, t'es allergique aussi. C'est difficile d'aimer un animal. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Oui, je suis allergique, mais c'est non, leur mais comportement. C'est difficile d'adopter un animal que auquel oui, tu es allergique. C'est pas la question. On parle pas de qui avez-vous envie d'adopter. Non, mais que tu peux apprécier. L'adopter. Non, c'est décollé. C'est totalement décollé. C'est comme le langage texto. Mais vous savez que des fois, c'est un peu mon rêve qu'il aille chez Pascal Pro, Adrien. Voir débattre Adrien avec des gens où c'est sûr qu'il n'y a pas, mais un dixième de raccord sur toutes les idées. J'aimerais vraiment aller voir dans une pièce, voir ce qui se passe. C'est vraiment ce que faisait Clément Viktorovitch à une époque. Ouais. Oui, c'est vrai. Vraiment. Oui, mais il est Clément Viktorovitch, sans vouloir te... À plus, enfin, peu débattre, ce qui est moins. Ah, d'accord, donc moi, c'est juste, tu dis que je suis un merde en débat. Non, c'est non, ça que tu dis, non, mais tu sais que c'était un compliment à ce non, stade. Hein. Tu peux être sécos, tu peux être. Non, mais tu vois, tu peux dire pas du tout, c'est faux, arrêtez. Oui, voilà. C'est pas ce que faisait Viktorovitch. Tu, dire, là, tu peux oui, être oui, plus. Plus cassant, quoi. Plus cassant, et c'est pour ça que je rêve de te voir dans ce genre d'émission. Ah ouais, non, bah moi, c'est un cauchemar. Vas-y, allez, vas-y. Vas-y, pour le podcast. Non, pour le podcast. Allez, vas-y, pour le... On rappelle qu'on avait tourné les sketchs de Mr. V pour MST, on était collés au studio de Pascal Pro, quoi. Ah bien sûr. Donc, je voyais Pascal Pro. Moi j'ai pas. Moi j'avais ma... récemment, je fais de la promo pour Le Leroy à Canal, ouais. Et j'avais ma loge collée à la loge de Mario Maréchal Le Pen. Oui, c'est vrai. Avec tout son crew. Oh, putain. Tout son crew qui m'a dit bonjour. Eh, j'ai même pas répondu. Ils ont envoyé du bon. Oh. Ah ouais, bien joué. Eh oui, la droite, allez, vous passerez pas par moi. Ouais, bien joué. Eh oui, les fachos. Bah, tiens, trop bien. Regardez, hop là. Allez. C'est un selfie de, photo alors, de moi. Un selfie que fait Adrien avec Pascal Pro, il l'embrasse sur le museau. Et il m'a pas mordu, donc comme ça c'est un bon gars. Sympa. Non, juste une photo de moi dans le. Dans le décor de l'heure des pros. J'étais plus mince à l'époque. Toi Nico, t'es un animal qui te. Moi, oui, de manière assez classique, les araignées, les trucs qui cavalent un peu. Ouais, ça... Mais c'est ça. C'est vraiment l'imprévisibilité du chat dont tu parles, Adrien, c'est ce qui effraie souvent les gens chez les araignées, ah ouais, pour avoir fait quelques recherches sur les arachnophobes. Bah, oui. Vermine, ça m'a glacé le sang. Ah ouais, vraiment? Ouais. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a glacé le sang? Le film Vermine. Que. Ah bah moi, je peux pas le voir pour l'instant, mais quelqu'un qui a très peur des araignées m'a dit qu'il l'avait vu et que ça va. Ça va normalement. Ah non, mais il y a des moments qui peuvent être durs. Ah ouais, mais en plus, c'est bizarre parce que je me suis projeté à la place des acteurs, comme je sais qu'il y avait des vrais spécimens. Oui, oui. Ah bon? Ouais. Bah, il y avait Jérôme. Ah, allez. Non, mais... on a tourné avec beaucoup de. Enfin, on a. J'étais pas sur le tournage. Non, mais ils ont tourné avec des vraies araignées. Il y a des effets spéciaux, mais il y a beaucoup de vraies araignées aussi. Mais c'est comment ils ont fait les acteurs pour gérer? Parce que je pense qu'il y a peu de personnes qui sont très à l'aise. Ouais. Bah, justement, il y a eu par exemple Sophia. Elle le racontait dans le Floodcast. Elle s'est fait hypnotiser. Sophia, qui était arachnophobe au dernier, elle s'est fait hypnotiser. Ah bah ouais. Ah, elle était carrément arachnophobe. Par une araignée. Elle était complètement en sabote. L'araignée, elle en faisait ce qu'elle voulait. Elle va faire ma toile, Roule cette mouche, là, roule cette mouche. Elle s'est fait hypnotiser, ça a marché. Hypnotiser, alors ça a pas marché, genre du jour au lendemain. Ouais, j'adore les araignées. Ah, mais okay. Ça l'a beaucoup facilité à les prendre sur sa main, ah, ouais, etc. Ouais, à faire des vrais trucs. Moi, ça, je serais pas capable. C'est ça, mais après, moi, les j'ai araignées. Fait tourner avec une araignée dans la main. Ah ouais. Migale. Ouais. Oh, sur quoi? Dans Killer. Bon, je peux le dire maintenant parce que de toute façon, il y aura pas de saison 2. Ok. Parce que normalement, c'était moi le grand méchant de la saison 2 de Killer Coaster. Il n'y en aura pas, tout simplement. Ah bon, il n'y a pas de saison 2. Non. Ah oui. Ouais. Mais donc, dans la fin de la saison 1, il y a le grand méchant dont on ne voit pas le visage qui parle et il est avec une migale dans la main. Et c'est toi. C'était moi. Oh là là. Sauf qu'il y a. En fait, moi, je pensais que du coup, ça allait être dans le même plan. On allait voir la silhouette de mon visage et ma main. Et du coup, mais en fait, non. Donc, ça pourrait ne pas être ma main. Ah oui, mais voilà. c'était ma main. Mais c'était ta main. C'était d'accord. Crazy Frog. C'était Crazy Frog. Et d'ailleurs, dans ma vidéo récap de. Pas l'année dernière, celle d'avant, on voit une seconde où y a, je suis avec l'araignée dans les mains. Et ça a été. Franchement, oui. Alors, je peux faire une petite parenthèse. Bah, c'était assez drôle, c'est-à-dire que je tourne la scène, machin, où je me fais tirer dessus. Voilà. Et après, on me dit bon, bah là, t'as du temps, va voir le mec des araignées. Ouais. Il va t'expliquer et tout. Donc, je vais dans une pièce. Donc, le mec, il a des grosses boîtes avec des araignées et tout. Et il me dit bon, bah. Ça, c'est la première espèce et tout. C'est la plus tranquille et tout. Donc, il me sort un truc qui ressemble à vraiment... quand on se dit une migale, on voit ça, quoi. Okay. Ouais. Il dit, bah, celle-là, elle est tranquille et tout, tu vois, machin. Tu peux la prendre, tu mets ta main, elle va grimper dessus. Mais c'est assez mignon, une migale, en plus. Et franchement, il y a un côté peluche, hein. Ouais. En vrai, ouais, un peu. Ouais. Et donc, elle monte sur la main et tout. Tu vois, elle marche, je mets mes mains et elle avance et tout. Je fais, ah oh, ouais, bon, bah, assez tranquille et tout. Il me fait, bah, sinon, celle-là, bon... elle est un peu plus nerveuse. Je fais bah du coup c'est bon, c'est pas la peine. On va prendre l'autre. Ouais. Et il fait ah mais et tu vois que le mec il a envie de montrer ses araignées et tout. Ouais. Donc il fait ouais celle-là est un peu plus nerveuse et tout. Il la pose et tout. Puis il fait bon là tu vois et il prend une espèce de bâton et tout. Puis tu sais il la fait chier un peu. Ouais. Et là l'araignée elle se dresse et tu sais avec les trucs genre quoi. Ouais, bah, je suis carré en double fil. Et je fais ouais tu vois celle-là elle est quand même plus agressive et tout. Je fais bah alors, déjà oui tu l'as énervée. Tu lui as embrassé le museau pendant qu'elle dormait. Non mais, et moi vraiment pendant tout le long, je disais Ouais, bah du coup, c'est bon. Ouais, laisse-la, c'est bon, on va pas la prendre et tout. Il continue. Ouais, mais regarde quand même. Ah, mais regarde, parce que là, quand si même. Si j'enfonce mon pouce dans son trou du cul. Oui, non, mais là, c'est vraiment. Et tu vois là, elle est en position d'attaque et tout. Je dis, oui, non, mais c'est bon. J'ai pas besoin d'une démo. On va pas la prendre. Et du coup, effectivement, on a pris la gentille. Et des fois, c'est parce qu'ils se font chier. Ouais, quand ils en font un peu des ils disent, j'ai un pauvre plan de merde avec une araignée, je vais un peu vous faire des trucs avec les araignées. Totalement ça. Le mec se faisait chier depuis des heures avec ses boîtes en polystyrène posées sur une table. Il avait envie de montrer ses araignées. Oui. Mais moi, j'étais genre, non, mais c'est bon. Il y a souvent ça sur les tournages, soit les dresseurs, soit les mecs pour les armes. Oui, ah, oui, c'est marrant, on en parlait la dernière fois. Ouais, c'est ça. Bon, alors celui-là, attention, il y a du recul. Oui, mais de toute façon, on va prendre l'autre. Ouais, ouais. Non, fais gaffe. Ben, ça, putain, ça envoie. Hein. Ah, parce que j'ai amené un sabre, hein, mais ça n'a rien à voir. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de sabre dans l'histoire. J'ai un taser, regarde. Mais cela dit, nous, les vraies araignées de vermine, c'était souvent des plans où il n'y avait pas les acteurs. Quoi. Ouais, enfin, c'était beaucoup les faire vivre et tout, les choses comme ça. Il y a beaucoup de plans dans les canalisations, des choses comme ça, on les voit un peu évoluer. Mais il y a quelques scènes. Ça marche bien pour ça, justement. C'est qu'il y a ce truc un peu comme dans les années 80 où tu as des vrais. C'est pas que des FX et tout, c'est ce qui rend le truc. Et puis on avait trop. Chaque Seb, il avait trop peur. En fait, il n'y a aucune araignée qui a été blessée ou morte sur le tournage. Il avait trop peur avec les acteurs. Un mauvais geste, ça peut arriver vite. Bien sûr. Moi, c'est ce que je dis souvent à ma meuf. D'ailleurs, moi, j'ai aucune phobie d'animaux ou d'insectes. Mais j'ai vraiment grandi dans la campagne où moi j'aime pas être surpris quoi. Donc c'est vrai que ça. Voilà, moi j'ai déjà tué un serpent à coup de pied, mais c'était par peur, tu vois. Ouais. Non mais tu vois, tu marches. Ok, Crocodile Dundee. Non mais tu vas jeter une boîte de conserve et t'es à 200 mètres. Non mais tu marches et tu regardes à tes pieds, tu vois vraiment un serpent, c'est genre une couleuvre ou un norvet, c'est un truc un peu vénère. Ouais, c'est dur. Tu fais tac. Alors un norvet c'est minuscule par contre. C'est parce que tu confonds. Un norvet c'est vraiment. Ah non, une couleuvre, pardon, une couleuvre. Tu vois une couleuvre ou une vipère et tu fais pas exploser parce que c'est ça aussi. Mon père disait. Alors attends, les vipères ça n'a rien à voir, ils ont un V sur la. Oui, bon, c'est un serpent, il est à mes pieds. Je vais l'écraser, malheureusement. Oui, bah oui. Mais tu vois, c'est un truc d'avoir peur d'être surpris. C'est pas un truc. C'est pour ça que je tourne plus avec des vrais acteurs ou des vraies actrices parce que je veux pas être surpris. Tu vois, tu mets des patates. Bah, j'en ai déjà tué à coup de pied. Hein. Oui, mais ils traînaient vers tes pieds. Tu vois, ça c'est surprenant. Ils te font un bisou sur la truffe. Tu je suis en pause. Une étude récente. Dans le make-up. Une étude récente nous a appris quelque chose sur le chiffre 21. Savez-vous ce que c'est? Ah oui, non, mais là. Ah bah, c'est mon chiffre préféré. Ah bon? Ah ouais. T'as un chiffre préféré? C'est un chiffre qui nous poursuit. Ma mère, c'est un nombre qui nous poursuit dans notre famille. Ah ouais? Et c'est un vrai truc drôle, c'est qu'on habite toujours au 21. Ah ouais? Des numéros, incroyable. Et c'est des hasards, mais toujours au 21. T'es sûr que c'est des hasards? Il n'y a pas un truc qui t'oriente un peu vers ça? Mon père 21 juin, ma mère 21 septembre. Ah ouais, okay. J'apprends que je suis enceinte le 21 décembre. Ah ouais? Ah ouais. Ma sœur 12 mars. Ah oui, donc oui, bon, c'est là où ça commence à être n'importe quoi. Ah, mais c'est l'inverse de 21. Oui, oui, non, d'accord. Mais bon, c'est... Et Robin a 21 couilles. Un piano à couilles. Ouais, bah oui, c'est fou. Un piano à couilles. Non, mais 21, c'est un nombre qui m'intéresse en tout cas. Eh bah écoute, en tout cas, il a quelque chose ce nombre. Alors, effectivement. Bah attends, je raconte. Ah, il faut deviner. Raconte. J'ai toujours pas compris le principe. Il y a un téléviseur à gagner, alors donne-nous la réponse, vas-y. Raconte. Hyper innocemment. Alors raconte. Ah, non, pas du tout. C'est pas un livre audio. C'est pas juste des moi qui dis des faits. Parce qu'elle a envie de savoir, elle a envie d'avoir la réponse. C'était hyper sincère. Alors, attends, alors, parce que c'est un truc qu'on a découvert récemment, tu dis? Non, c'est pas une découverte. Mais est-ce que c'est le même genre de... C'est le même genre de connerie que ce qu'elle vient de raconter? Non, pas vraiment. Mais toi, t'as un nom préféré, par exemple, ou pas du tout? Parce que moi, je suis incapable. Tu sais, par exemple, la couleur préférée, je suis incapable de dire. Moi, le 6 revient souvent dans ma vie. D'accord. Ah, tu vois, il y a des trucs qui. Ouais, non, mais c'est sûr. Je suis né le 6 janvier, la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre. Comme ma mère. J'ai loupé 6 fois mon bac. Enfin, y a quand même des trucs, tu vois. Très bien. Moi, je suis né le 21 juillet, ceci dit. Un petit 21, moi aussi. Un petit 21. Et mon frère, le 12 juin. Putain, moi aussi, c'est le 21. Oh putain. Mais j'ai pas je réfléchis pas à ça, moi j'ai pas des trucs préférés. Non. Enfin, ouais, non. Non, mais en tout cas, je vais pas avoir un truc. Enfin, si, j'ai une question préférée, moi. Non, mais c'est pas fétiche. Oui, non, mais c'est un truc qui revient. C'est amusant, ça revient quand même. Je crois qu'il y a un truc qui existe, il y a des gens qui. Pas de la. Une sorte de voyance, de la numérologie. Oui, la numérologie, bien sûr. C'est des gens qui se. En fait, chaque chiffre a une signification. Chez les juifs, non. Chez les juifs, il y a énormément de choses autour de la numérologie. Oui, c'est ça. Chez les kabbalistes, ouais. D'accord, ok. Où on cherche. Bah, le film Pi de Darren Aronofsky raconte ça. Ouais. C'est-à-dire l'obsession du chiffre Pi chez les kabbalistes juifs. D'accord, ok. Putain, on en apprend. Bon, attends, j'ai envie de savoir. Alors, c'est pas. Ah, pardon. Non, vas-y. Parce qu'en fait, ils pensent trouver l'existence de Dieu à travers les chiffres. On pensait vraiment tous que t'avais fini. Hein. T'as mis une très longue pause. Bah, j'ai le droit de m'endormir pendant ma phrase. Ou... Bah, je C'est à un moment de te faire un bisou sur la truffe. Allez, pour que tu reprennes ta phrase. Je vais te niaquer. Ah, c'est la recherche de Dieu. Ouais, c'est d'accord, ça, c'est okay. Qui recherche le chiffre de Dieu. D'accord. Voilà. Non, je vous le dis, c'est le 8. Ouais, les gens le savent. J'allais dire 12. C'est le 8 depuis le début. C'est le 8. Vraiment, venez, on va faire un badminton. Après, pi n'est pas un chiffre, c'est un nombre aussi. Oh, oh là là. Attends. Chiffre, c'est l'équivalent oui, de lettres. Sais, ça va, ouais, excuse-moi. Ouais, oui, c'est la graphie. D'ailleurs, les chiffres et les lettres bon, s'arrêtent. Attendez, ouais. On réfléchit. C'est vrai. Ah, attends, c'est fou ça. Ouais. Non, c'est fou, non. Non, mais c'est encore un truc qui fout le camp, quoi. Allez. Et on nous demande de croire en l'avenir. Non mais je pensais pas connaître le moment où les gens allaient arrêter de regarder les chiffres et les lettres. Bah putain, on a connu l'arrêt de pyramide, on a connu l'arrêt des chiffres et des lettres. Les chiffres et les lettres, c'est tellement depuis mille ans. C'est vrai que c'est quoi. Fou, c'est fou. D'ailleurs, la petite truc que j'avais remarqué, la musique de début de Dumbo, et bah c'est la musique des chiffres et les lettres. Putain, c'est fou que tu parles de Dumbo parce que pour moi c'est le Disney. Ah, faut pas le voir. Dont personne ne parle. Oui. Mais parce qu'il est trop triste. Il est dans les classiques, mais pourtant personne n'en parle. Ah ouais, personne, c'est et c'est pas du tout une référence chez personne parce qu'il est trop triste. Bah parce que c'est un animal de cirque qui est exploité et tout, c'est ça. Moi, il y a des scènes très bizarres. Ouais, il y a des scènes un peu cheloues de drogue, enfin d'alcool. À un moment, Dumbo tombe dans un fût de clowns bourrés. Non, je te jure que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un fût de clowns bourrés. Bah, il y a des clowns bourrés, enfin des clowns se torchent la gueule. Ah ouais, ouais. Et ils font boire l'éléphant. Ah, mais c'est trois tonneaux dans le champ. Ouais, c'est mon deuxième album. Et ils font boire le Dumbo, l'éléphant. Et du coup, l'éléphant a un trip d'alcoolo. Et il après, voit des éléphants de roses, justement. Et il se moque de lui. Et il se moque de lui, il le tabasse et tout. Ah quoi? Ouais, oui. Après Dumbo. Enfin, c'est horrible, j'avais vu ça. Tout le problème de Dumbo se prostitue à Harlem. Eh oui. Ouais, c'est poignant. Bah après, c'est poignant. Il sort un album poignant. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Il sort un EP après. Donc, ouais. Et donc voilà. Et c'est la même chanson. C'est ta tan, ta tan, ta tan, ta tan, ta. Mais d'ailleurs, je vous invite à chercher la version complète du générique parce qu'elle est extrêmement longue. La musique, le générique des. C'est comme Bohemian Rhapsody, ça part en opéra. Mais non, tu rigoles, mais c'est vrai. C'est-à-dire ça part à un moment, c'est en mode marche militaire. Après, disco. Après, c'est. Et si vous voulez faire un film, thème. À la base, je vous invite. Non, mais c'est vrai que c'est. Je vous invite à googliser les chiffres et les lettres chansons. En vrai, c'est assez surprenant parce que nous, on connaît que la version, la partie qu'ils ont gardée comme générique. Ouais. Mais en vrai, c'est un truc ultra long et ça part en disco, en marche militaire, en truc. C'est très bizarre. Et le compositeur, il doit être là. Ils ont jamais utilisé les jamais. Alors que moi c'est la disco, putain. 21. Bon, ce chiffre, attends, tu peux redire ce qu'on doit trouver. Le nombre 21 a une signification. Enfin, on a appris quelque chose sur ce nombre. Voilà, un truc qui est... Et c'est un truc purement mathématique, ouais, pas mathématique. Demandé, ouais. Un peu spirituel. C'est un peu mystique. Pas spirituel. Non. C'est un truc statistique. Ce nombre revient souvent. Ah bah voilà, donc en fait c'est pas du tout spécial. Dans quelque chose, à l'euro-million, au loto. Au loto. Oh. Ah, c'est le nombre depuis 2020, c'est le nombre. Non, le numéro 21. Il sort souvent. Le numéro 21 sort souvent, tu sais, il y a des nombres et des chiffres. Des fois je dis des trucs, je sais pas pourquoi je les dis. On sent que là c'est sorti entre toi. T'as juste fait une connexion. Euro-million 21, 21 millions. Comment ça? Bon, rien, j'ai associé deux trucs qui allaient ensemble. Oui, remarque. Pas con. Oui, remarque. D'accord. Oui, remarque. Oh, bah oui, pourquoi pas. C'est comme si. Chose du 42 en chaussures. 42 chaussures. Oui, oui, bon. Ça peut exister. Faites pas attention. Elle a un donc, cas du jeu. Selon du les dimanche. Statistiques de la Française des Jeux depuis 2020, le numéro 21 est celui qui sortit le plus souvent dans 15,25% des tirages, devant le 34 et 44, 12%, 12,43%, 19, 12,15% et le 12, 11,86%. Attends, c'est fou. Donc le 12 et le 21 font partie des trucs. Bah, le 21 et 12, ça m'arrive de jouer au loto de temps en temps. Je les joue parce que le 21, c'est 21 mai, c'est la date de naissance de ma mère. Et ouais, tu vois. Le 12 décembre, c'est celui de ma grand-mère. Bah, pas mal. Et moi, je pense que tes auditeurs sont ravis d'entendre ça. Bah, ils en apprennent un peu plus. Statistiquement, c'est un bon choix. Et alors, à contrario, les chiffres qui sortent le moins souvent. Et ben en première position, c'est le 22 qui n'est sorti que 23 fois depuis 2020, le 4 et le 8. Attends, ça fait 21, 22, 23. Bah le 22, c'est le moins. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais ouais. Je veux dire, non, là. C'est fou ouais. Ça. Parce qu'il est sorti 23 fois. Le 4 et le 8, le 1, le 31, voilà, c'est des chiffres qui ne sortent quasiment jamais. Comment c'est possible ? Alors, ça, pour le coup, c'est une vraie question à poser à des scientifiques ou à, bah, y a peut-être ou à Patrick un... Beau. Ou à ouais. Patrick Beau. C'est comment ça se fait ? Puisque normalement, les boules ont le même poids, la même densité, le même truc. Comment c'est ça ce que se dit fait la que Française 22... des Jeux, elle dit c'est des statistiques, mais c'est quand même le hasard, il ne cherchait aucune logique. C'est le 22, quand il est dans le truc, il faut laisser tomber, de toute façon j'ai jamais choisi. Donc, bah, le 22 est dépressif, hein. Ouais, il est ouais, dépressif, il est dégoûté. Bien sûr. Est-ce que vous êtes des gens joueurs? Ça dépend quel type de jeu. Dans la vie. Est-ce que c'était... Ah oui. Que... Ouais. Ah bah tu sais ouais, que oui. C'est oui, oui. C'est bien. Je suis fou de jeu. Ouais, ouais, c'est voilà. Ça. T'as, il a même caressé son micro comme une énorme tub. Ouais. C'est vrai. Bon, ouais. Énorme, non. Oh, parce que le micro est énorme. Il fait genre c'est normal la taille. Ah, parce que oui. C'est un gros. Elle est de taille parfaitement normale, la mienne. Rapport à sa bite. Toi, Nico ? Ouais, moi j'adore les jeux de société. Ouais. Pas les jeux d'argent, je déteste ça. Ah, c'est pourquoi ? Bah, en gros, alors. Si, ça est-ce que tu sens une addiction ou pas du tout ? Alors, j'ai joué au poker à une époque. Trop. Enfin, je me suis fait peur, en fait. C'est-à-dire, dans le sens où. Oui. Ce qui peut t'arriver de pire quand tu joues au poker la première fois, c'est de gagner parce que t'as l'impression de comprendre quelque chose. Ouais. Et je dépensais de l'argent de manière ridicule. C'est-à-dire que j'avais fait une pub, donc j'avais un peu gagné. Et je dépensais toutes les semaines de l'argent. Et ça devenait obsessionnel. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans notre inconscient et puis dans nos têtes de geek de cinéma qui raconte un peu cette espèce de mythologie, tu vois, des films de gangsters, de tout ça. Ouais, donc ça me plaisait Marco bien. Marco Mouli. Voilà, exactement. Non, mais, et à un moment donné, ce qui m'a fait peur, c'est quand je me suis retrouvé à 10h du matin à ne pas avoir dormi, à boire une bière avec des gens que je ne connaissais absolument pas, qui avaient des têtes de zombies, qui se parlaient entre eux des sommes folles qu'ils se devaient. Et j'ai dit, oh là là, non, j'arrête. Ah oui, t'as quand même été un peu. Ouais, je suis allé un petit peu. T'es allé dans les bas-fonds, quoi. T'as mis un orteil. Voilà. J'ai mis un orteil dedans et ça m'a suffi pour voir à quel point c'était glauque. Comme ouais. Parce que le rapport à l'argent modifie totalement les mentalités. L'argent pourrit les gens. Et c'est pas un sentiment. Non, non, non. Ouais, ouais, ouais. Non, voilà. Mais par contre, les jeux de société, le côté convivial, jouer avec des potes et tout, ça, j'adore ça. Ouais. Bah, ouais. Toi, je te prends toi, même expérience que Nico, ça a duré qu'un an avec le poker. Où je découvre ça un été avec des potes. Mais attends, on se connaissait pas déjà. J'étais jeune, j'avais 21 ans, tu vois. Ah oui, bon, voilà. Et je découvre ça un été avec des amis qui jouaient très bien, qui m'apprennent, et en fait, je tombe dedans. Donc j'ai passé énormément de temps au cercle de jeux de cadets et surtout je jouais en ligne. Oui, en ligne. J'ai perdu énormément d'argent et je suis devenue addict très rapidement. Et puis très rapidement, ça a duré un an quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté. Ah, j'ai été raisonnable, j'ai arrêté. Et les jeux de société, je hais. Alors pourquoi pour tu détestes c'est là, c'est... Elle aime que l'argent. C'est fou, c'est ma hantise vraiment quand on est avec des amis et que quelqu'un sort un plateau de jeux. T'as pas trouvé les bons jeux. T'as pas trouvé les bons jeux. Alors si, y en a un que t'avais amené une fois à la maison où c'était cool. Avec le téléphone, où fallait deviner. Ah, c'était mon admirateur secret. Codename. Ah oui, Codename. Et bah, ça, j'avais bien aimé, tu vois. Et c'est ça, les gens qui disent. J'aime souvent bien Concept, mais personne ne veut jamais jouer avec tu moi. Tu rigoles, c'est un de mes jeux préférés. On avait joué à Golden. On avait fait des parties en diable. C'est grâce à Golden que je l'ai acheté après, en fait. Mais à part ça, franchement, en fait, ça me fait chier les trucs de cartes, là, les Uno, les machins. Non, mais oui, mais ça vient sûr. Toi, t'aimes les party games. Ouais. Et j'aime pas les règles qui sont trop longues. Je t'ai détesté dès que tu l'as dit, par contre. Ouais, mais c'est l'appellation, pardon. Non, mais c'est ça, les party games, c'est les jeux où tu expliques rapidement les règles, voilà. Tu joues, tout le monde peut comprendre, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de genre, moi ça fait 15 ans que je joue, voilà. Je connais toutes les stratégies et tout, c'est genre, on rigole et c'est tout. Côté mais moi, festif, c'est les jeux quoi. Que j'aime. Ça, je peux bien aimer. Et il y a un truc que j'aime pas dans les jeux de société ça, moi, aussi, c'est le. C'est « Wow, elle avait un 5 !» Alors qu'on s'en fout, tu vois. Tu vois ou pas genre l'enjaillement que les gens mettent là-dedans. Ouais, alors que toi, bah, tu sur le 5, ouais, sur le 5, le 21 encore. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, sur oui, des, sur des, un Uno de merde, ou je sais pas quoi. Et moi, j'aime pas jouer avec des gens, et malheureusement, je partage ma vie avec une comme ça. Trop compétitif. Très compétitif. Alors, j'aime pas. Moi, j'ai pas mal de jeux collaboratif. Ah, j'adore. Pandémie où tout le monde joue ensemble. Comment ? Pandémie ? Non. Enfin, je l'ai pas, mais j'ai mais pas il est déjà sur Amazon pour aller l'acheter. Non, non, mais j'ai cherché un peu des jeux où en fait tout le monde joue ensemble. Il y a pas de gagnant. Ouais. Enfin, ouais, tout le monde ça, joue. Tout le monde va dans le mais même là, sens. Cool, et ça, c'est génial. Mais les gens compétiteurs souvent n'aiment pas ces jeux-là. Et bah qui se barrent. Ouais. On veut pas d'eux de toute façon. Donc. Non, mais c'est vrai. Il y a un truc. Que moi, je hais la compétition. Dans les jeux. Je déteste ça parce que je trouve ça. On est déjà dans un monde où il y a énormément de ça comme rapport oui, partout. Et pour se détendre, tu dis, et donc là, on va recréer un mini-monde oui. de ça, d'hostilité, de c'est marcher ça. Sur les autres. C'est pour ça aussi que j'aime pas les gens qui trichent aux jeux de société. Bah oui, tu oui, dis, oui. Attends, on se fait déjà tricher ouais, dessus ouais. toute la vie. Est-ce qu'on peut avoir une bulle d'amusement ouais, sans qu'il y ait quelqu'un vienne... Qu'est-ce que tu t'es fait tricher dessus, toi ? Bah oui. Ah non, mais toi, ça, t'as pas eu de bol. Hein. Une bulle non pervertie par l'horreur de... Dessus, là, de ouais, c'est oui, pour depuis ça, début. Ah, c'est pour ça la bouche. Oh, la BD. Dis juste les mots de trucs qu'on a dit. 21 millions de BD. Ouais. Mais là, c'est vrai que le côté compétitif dans tout, ça, c'est un vrai truc. Genre, moi, je l'ai eu récemment sur mon film. J'étais pas du tout comme ça. Bah tu t'es bien fait niquer par Artus. Voilà, donc déboîté de A à Z. Attends, comment ça? Bah non mais en gros moi je m'en foutais. Je voulais juste faire un certain nombre d'entrées pour que le film perde pas d'argent. Ouais. Mais d'un coup tu vois des films qui marchent moins. Et, c'est le cas je crois. Ah oui, moi c'est un succès. Non, c'est un vrai succès le film, c'est trop bien. Il a fait plus de 500 000 entrées. Mais Artus est arrivé avec son film, il a fait c'est 1 million même pas une semaine. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tu peux aller manger ta merde Florent? J'ai fait OK Artus, c'est un peu dur mais avec plaisir. Non mais c'est non mais en plus je m'en fous, mais c'est ce qui est rigolo. C'est que sans le vouloir, d'un coup, t'as un peu un truc de combien font les autres films. Oui, mais je veux dire, c'est normal d'avoir ce truc. D'aller regarder et tout ça. Pas c'est au point d'arracher l'affiche d'un autre film. Oui, voilà. Qui est un truc. Alors, je l'avais coupé dans le podcast où on en avait parlé justement. Ah bon? C'est, donc, je l'explique vite fait. On a appris que des gens d'un autre film avaient arraché des affiches de notre film parce que les avant-premières cartonnaient. Arrête. Si, je vous jure, c'est comment vous avez appris ça? Bah en fait la personne l'a raconté à quelqu'un. Mais oui oui non j'ai été mis au courant et effectivement c'est. Et tu sais qui est la personne? Vas-y. Oh, ouais, j'ai tout. Tu pourras nous le dire. Bon, bien sûr, je vous dirai hors antenne. C'est Pascal l'acteur, non pas du tout. C'est moyen de faire ça. Qui est assez enculé pour faire ça. Bah en fait moi c'est ce truc. Vraiment avoir un fond méchant. Non c'est un truc de compétition, c'est un truc de j'ai pas envie. Moi c'est lié un peu. Oui oui. Je jouerai pas. Je vais pas jouer Uno avec eux alors. Il y a de la place pour tout le monde. Enfin c'est ridicule. Et en plus quand je te dirais le film et tout, tu dis oui bon ça n'avait rien à voir. Ah ouais en plus. C'est-à-dire si c'était une comédie ou un truc comme ça, la même. Dune 2. Denis Villeneuve qui a arraché les affiches de mon film. Il avait grave le seum. Le mec. les amis, ça fait 1h20 qu'on parle et avant de passer à un autre petit jeu que j'ai prévu. J'ai un autre petit jeu. Je peux me frapper jusqu'au sang. Vous venez quand même nous parler de la série Bouchon qui est sortie maintenant il y a quelques jours. Le jeu. Ouais, mais le jeu est un peu lié à la série. C'est la série que tu as écrit et réalisée, Eleonore, dans quelques jours. Co-réalisée. Avec Amaury Dequeque. Avec qui tu avais déjà co-réalisé des choses, d'ailleurs. Carrément. C'est un peu ton co-réal de cœur. Ouais, carrément. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble et on s'entend et on se complète très bien, je pense. Sur Genre Humaine, notamment, c'était déjà lui. Ouais. Et en vrai, il y a plein de gens qu'on retrouve de ce que tu as fait, puisque dans la série, tu joues dedans déjà. Tu joues aussi avec ta sœur, Raphaël Coste, qui est génial dans le film, d'ailleurs. Dans la série, pardon. J'ai dit film parce que j'ai tu l'as vu d'un coup. Oui, j'ai tout vu. T'as bien aimé? Non. Bah si, bien sûr. Mais non, j'aimerais bien que tu me... C'est intéressant. Bah, oui. Mais non, mais c'est pas non, imbécile. Évidemment. Bah, exactement, quand on est fan, de toute façon, et c'est ce qu'on est autour de la table, d'Eléonore, on retrouve... Pour moi, tu as masterisé ton travail, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment la meilleure version de ce que t'as fait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et comment tu as été amené à faire cette série? C'était une idée que tu avais depuis longtemps. Merci déjà pour tout ça. Bah non, je sais. Et alors comment c'est arrivé? C'est qu'il y avait donc Genre Humaine qui existait depuis 2019, qui était donc une petite série où c'était des plans séquences qu'on pouvait regarder indépendamment les uns des autres. C'est toujours sur YouTube ça? Ouais. J'invite les gens à aller voir. La saison 1 et la saison 2, la 2 est quand même un peu mieux que la saison 1, je pense. Mais tout est de super. Allez voir ça. Faites votre avis. Et en fait, il se trouve que Julie Moons, qui est une productrice à la Blogothèque, tombe là-dessus. Et elle trouve ça cool. Et elle se dit, faudrait l'emmener ailleurs. Moi, j'étais liée à Portrait Robot, qui sont mes producteurs de cœur. Et ils décident de faire une coprod. Et Julie et Arte avaient vu aussi Genre Humaine. Et ils aimaient bien. Mais ça a pris beaucoup d'années. Parce que ça a été hyper dur pour moi de... En fait, j'avais écrit la suite déjà et il a fallu repartir complètement de zéro, de savoir ce que je voulais raconter aussi, de savoir... Oui, parce que c'est vrai que c'est des choses... Alors, autobiographiques, on l'utilise à toi à travers, mais c'est vrai que c'est très personnel comme récit, donc t'as aussi besoin, de le digérer, de choses comme ça. Ouais, et puis de savoir ce que je veux... Il y avait plein de choses que je voulais raconter. Ouais. Donc ça a été dur pour moi de trouver aussi quel allait être l'enjeu du personnage, Enfin, il a fallu que je structure tout ça, ce qui est pas forcément mon fort, parce que je suis assez impulsive dans mon écriture et oui, elle met au format série, il y a quand même tous les trucs surtout, de cliffhanger. Et puis surtout, voilà, le plus dur, ça a été les cliffs. Et je me souviens au début, il m'avait mis une script doctor qui est adorable et très douée, mais ça s'est pas bien passé parce que c'était le truc série où il fallait qu'à chaque épisode il y ait un cliff, tu vois, genre le coup de fil, la clinique en Suisse qui appelle pour clinique en Suisse qui appelle pour dire oui, votre père est attendu demain. Quoi? Papa a pris rendez-vous dans une clinique en Suisse pour se faire euthanasier. Et ça, c'était impossible. Donc, du coup, et à partir du moment, en fait, ça s'est bien passé pour moi, l'écriture, à partir du moment où on m'a laissé libre, où en fait on a fait des grosses séances de brainstorm avec les ça c'était chambé, où on se donnait plein d'idées et après moi je repartais avec toute la matière et une fois que j'étais libre d'écrire les dialogués et tout, et là ça se passait bien. Par exemple, tout le traitement, ça a été l'enfer pour moi d'écrire le traitement. Ouais. hyper dur. C'est difficile, hein, le traitement. Pour expliquer aux gens, le traitement, et c'est avant qu'on... Et de faire passer une émotion aussi, tu vois, dans un traitement. Pour expliquer aux gens, le traitement, c'est une espèce de document comme un roman, une un gros manière. Résumé. Voilà, quoi. C'est un résumé de plus, parfois de 10, 15, 20, 30 pages. C'est ça. Mais sans les dialogues, souvent, ou alors des petites répliques ça et là pour donner un peu, mais... Et souvent, moi je sais que j'ai mis beaucoup de temps aussi à savoir faire ça. Cette étape-là, elle est difficile. Et c'est pas là où je suis le meilleur d'ailleurs. Mm. Parce que, effectivement, moi je suis un peu comme toi, ce que j'aime c'est les dialogues, c'est quand vie existe un peu. Et c'est difficile des fois de faire exister ce que tu veux faire, surtout quand c'est des choses aussi sincères et personnelles. Mais les prods, ils ont été vraiment formidables parce qu'ils m'ont laissé cette liberté, ils m'ont vachement aiguillé, enfin, ils m'ont jamais imposé quelque chose, tu vois. Et t'as des choses à montrer maintenant aussi quand même. Enfin, je veux dire, t'avais Genre Humain, t'avais tes courts-métrages. Oui, mais genre, je connais d'autres producteurs qui m'auraient pas laissé. Et diffuseurs, parce qu'Arte, jamais. C'est ça aussi. Tant, Arte, je me souviens de trucs où, par exemple, tu vois, ils voulaient une histoire d'amour. Et ils trouvaient ça cool qu'il y ait une histoire d'amour. Et moi, je voulais pas, parce que je trouve que. Enfin, il y a une petite histoire dans Bouchon, vous verrez, mais c'est pas une histoire d'amour, quoi. C'est. C'est autre chose. Oui. Et je trouvais ça cool que pour une fois, je trouve que les séries féminines, souvent, t'as des histoires d'amour. Il y a le côté romantique très présent. Et je trouve qu'un homme, t'as pas forcément sur une série écrite par un homme une histoire d'amour. Et je trouvais ça cool que pour une fois, sur une série écrite par une femme, il n'y ait pas ce côté romantique que j'adore en plus. Oui, hein. Oui. Mais sur cette histoire, je trouve que c'était la famille. Je voulais parler de la famille et pas de son histoire d'amour. Quoi. Oui, c'est et ça. Bah, c'est bref, la je parle de ça avec Arte et direct, c'est oui, t'as raison, ok. Enfin, je veux dire, il y avait toujours, c'était hyper. Intelligemment, leur retour était toujours hyper pertinent, trop intelligent. Il y a des choses que j'ai changées, mais c'était jamais à contre-cœur. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai fait un peu les choses dans le désordre pour vous expliquer. Peut-être on peut résumer très vite fait. Je vais le faire parce que c'est toujours un peu chiant, des fois, de résumer sans voir le truc. Mais en gros, c'est l'histoire de. Tu t'appelles Lolo dans la série, j'ai eu un doute la dernière fois. Si, c'est Lolo quand même. Elle s'appelle, c'est moi, Éléonore. C'est ça. Qui apprend qu'elle va être prise sur un gros projet, sur un film. Ouais. Et en même temps, elle apprend que son papa a un cancer de la prostate. Non, du côlon. Du colon, mais pardon. C'est marrant, il y a plein de gens qui disent la prostate. Moi, mais parce oui. que moi, c'est du prostate. Okay. Ouais. Dans la famille, c'est chacun a ses cancers. C'est mais bon voilà, il a une maladie grave. Et donc, elle essaie de gérer ce truc-là. Et elle part à tourner à Tokyo. C'est ça. Et donc elle se dit, peut-être je ne serai pas là pour mon père quand il va se faire soigner. Je ne vais pas tout dévoiler, mais en plus... Et en plus, elle est en conflit avec ce père. C'est ça. Les parents sont un peu atypiques. Il y a aussi une sœur qui est enceinte. Et une sœur qui est en couple avec... Nicolas Bernaud, voilà, et qui essaie, voilà, c'est tous ces gens essaient d'exister, mais c'est vrai que c'est une série, c'est toujours un peu nul à dire, mais c'est un peu la vraie vie, quoi. Donc, il y a une histoire, il y a une narration, il se passe des choses évidemment, c'est pas chronique, mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça, c'est ces personnages qui évoluent ensemble. Et par exemple, moi, le couple que tu formes, Nicolas, avec Raphaël dans la série, me touche beaucoup. Par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait un truc parce qu'ils sont drôles. Au début, tu dis ok, ça va être le couple marrant. Ouais. Sauf qu'en fait, ils jouent des trucs très vrais en fait dans ce couple, tu vois. Il y a des trucs qui peuvent parler à plein de gens. T'as kiffé l'expérience, toi? J'ai adoré. Moi, je lui ai dit personnellement, je l'ai dit même sur les réseaux et tout. C'est un des plus beaux rôles que j'ai joué jusqu'à présent, réellement. J'ai adoré faire ça, j'ai adoré rentrer dans ta vie. C'est parce que ça, c'est particulier aussi de jouer les. Alors moi j'avais au moins cet avantage-là, entre guillemets, c'est que je suis un composite de gens qui ont existé, mais je n'existe pas en tant que tel. Oui, parce que pour dire, pardon, je suis désolé, je remets des points un peu en contexte, mais si vous suivez Éléonore sur les réseaux sociaux, par exemple, et d'ailleurs je crois qu'en story à la une, on peut voir tes vrais parents, c'est vrai que c'est très... Ah, c'est, voilà, c'est eux, c'est quoi, fou, ils jouent tes mais parents. Mais les acteurs, Arnaud et Muriel, sont déjà, enfin je ne les ai pas choisis par hasard, ils ont déjà cette essence où ils ressemblaient déjà énormément en personnalité au vrai, tu vois. Donc oui, eux et Rafou jouent leur rôle, c'est vrai. Après, tous les autres, c'est des... Donc moi c'était marrant parce que il y avait un peu une mise en abîme du personnage à travers ce que je vivais moi en tant qu'acteur, c'est-à-dire que fallait que je trouve ma place dans cet environnement-là, c'est-à-dire que je jouais quelqu'un qui n'existe pas, mais je jouais le mec de quelqu'un qui existe et dans la vie et dans la série, face à des parents comme tu dis qui sont très proches du réel, et en plus avec l'aura du père. Et le côté mystique un peu de l'absence aussi du vrai père, quoi. Donc moi j'ai adoré rentrer dans ce personnage. J'étais trop content justement d'en parler au début de l'émission. Je lui disais souvent quand je voyais ce qu'elle faisait, Lolo, parce que j'adore ce qu'elle fait depuis longtemps, je disais si un jour je peux faire partie de ton univers, j'aimerais être autre chose qu'un paix pour toi. C'était une phrase que je lui redisais souvent, tu vois. Et donc là elle m'a fait ce cadeau génial, ça fait phrase toute faite, mais c'est vrai. Un jour, elle voulait que je sois dans la série quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était génial. J'étais content de ça au départ et la mouche revient. La autour mouche de est revenue. Ouais, c'est parce que je dis de la merde. C'est parce que je dis de la merde. Quand t'as dit paix, elle a fait putain, c'est vrai que c'est lui. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui, j'avais oublié. Je vais avoir un autographe. Et du coup. Il y a un jour, je t'appelle et je te dis, ouais, bah, voilà. je veux que tu sois dans la série, mais je fais quand même un casting. C'est ça. Je suis pas sûre, mais il y a quand même un rôle où je voudrais te voir, on sait jamais. C'est mais ça. C'est un musicien, il faut jouer de la guitare et chanter. Est-ce que toi, tu sais faire ça? Bah, oui. Et moi, je savais pas qu'il savait jouer. Donc moi, je lui dis oui, j'avais pas gratté depuis très longtemps et tout, tu vois. Mais... Je savais même pas qu'il chantait, du coup. Mais j'étais trop content qu'elle me donne la possibilité de passer l'audition. En vrai, je sais que parfois, ça peut vexer des gens d'être obligé de passer un casting pour des amis ou des gens qu'ils connaissent. En vrai. Moi, je trouve que c'est une formidable opportunité. Et j'avais déjà passé un casting pour un autre projet à toi, Break Up. Ah oui, je me souviens. Ouais. Où j'avais pu au moins montrer quelque chose. Après, t'es pris ou pas, c'est d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais donc voilà, donc j'avais bossé ce truc à fond parce que je pensais comprendre le personnage. Donc j'ai passé le casting, j'étais pris, c'était super. Et puis ouais, ça s'est fait assez naturellement. J'ai aimé ce personnage très rapidement. Je l'ai compris dans son incapacité à trouver sa place. Et donc comme c'est pas évident, c'est le seul qui est normal, mais en fait. C'est là où il est très touché. En fait, c'est ça que j'adore, c'est qu'au début je me suis dit, ah oui, c'est un perso qui va être marrant un peu, voilà, bien sûr, parce que il l'est, hein, d'ailleurs, hein, tu vois, drôle, ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, moi, il y a une phase que je vais pas spoiler où je me suis dit, oh là là, mon Dieu, c'est exactement ce que moi je pense dans la vie et tout, et du coup il m'a beaucoup touché d'un coup, enfin tu vois, je m'attendais pas dans le sauna où je pensais pas me rapprocher autant d'un gars qui était d'abord un peu marrant, enfin voilà, je trouvais ça très fort. On va pas te tresser des louanges, ça se dit, non, pas, mais c'est très gentil, pendant merci. Des heures, mais vraiment c'est une série géniale. En plus, je suis assez, quand je préparais l'émission, je me disais, putain, mais c'est fou, Lolo, tes courts métrages et tes... Enfin, ça marche vraiment bien en plus sur YouTube ce que tu fais, quoi. Enfin, ça fait quand même des 200, 300. Fantasme, il a presque 600 000 vues. Ouais. Quand on dit que la fiction marche plus sur Internet, c'est quand même des jolis chiffres, quoi. Tu vois, Surtout que c'est pas des trucs ultra faciles d'accès, entre guillemets, quoi. Tu vois. Donc, bien, wesh. Tout est sur YouTube. Bravo. Bouchon, c'est sur YouTube. Ouais, bravo, ouais. Vous pouvez tout binge-watcher. Tout est disponible. Alors, il y a Nicolas, Raphaël Coste, Arnaud Chevrier et Muriel Combeau qui jouent du coup les parents. Sébastien Chassagne, qu'on adore, voilà, qui bon régale. Cul. Bon cul. Bon cul. Hein. Bon cul. D'ailleurs, il y a du cul. Hein. Si vous aimez la baise, vous pouvez y aller. Il y a si quelques nibards. Ouais, c'est vrai. Il y a du nibard. J'y ai trouvé mon compte. Il y a également de la maladie grave, il y a de tout. Voilà. Voilà, on peut, il y a à boire et à manger. Ma vie, finalement. Il y a de la clope, j'ai retrouvé tout. J'étais dans ma zone de confort. Je peux pas vous dire mieux. Oui, il faut aimer les engueulades. Moi, je suis fou d'engueulades dans la fiction. Je sais qu'il y a des gens pour qui les deux premiers épisodes crient beaucoup. C'est vrai. Ouais. Et ouais. Il y a des gens qui doivent passer ce cap. Ouais. Parce que ça devient plus léger vers le troisième. Mais c'est vrai que ça gueule quand même pas mal. Hein. Mais moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore quand ça sent. Mais on m'a dit ça aussi sur mon film. Hein. Des fois, c'est vrai. Ça fait que gueuler. Je fais, oui, mais moi, j'aime. Bah, ouais, le côté un peu. Ouais. Voilà. Mais c'est, vrai c'est que moi, la famille française. Bah, on aime ça. Attendez. On est des Gaulois ou quoi? Je regrette cette phrase. Je regrette. Donc, vous venez nous parler de bouchons. Il y a aussi, entre autres, voilà, on a parlé famille, tout ça, mais il y a aussi, ça parle un peu d'angoisse. Oui. Également, elle est un peu angoissée dans la série. Alors, je vous propose un petit jeu, je vous donne des noms de personnalités. Vous devez deviner leur phobie un peu atypique. Pas si mal. Pas si mal. Génial, tu veux dire. Katy Perry, de quoi a-t-elle peur? Les fourchettes. Pas les fourchettes, c'est à l'étresse. Katy Perry, c'est Non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui a un truc comme ça. Ouais. Katy Perry, c'est très large. Enfin, c'est un truc connu, disons. Il y a plein de gens qui ont ça. Les étrangers. Aïe, c'est cool, on avait fait un beau lancement pour bouchon là. Confond avec Jordan Bardella. Non, mais agoraphobe? Non, elle est pas agoraphobe, pas claustrophobe, mais voilà, on est sur un truc aussi large. Ouais, hein. Ah, okay. C'est un truc qui touche plutôt les enfants. Ah, le vertige. Ah non. Non. Les enfants. Ah, j'allais dire le vertige aussi. Pas les abeilles. La peur des monstres du placard. Non. Non, mais ça, j'avais vu une fois parce que j'avais fait aussi un jeu sur les phobies et je m'étais renseigné et il y avait un truc, le nom était extrêmement compliqué et c'était la phobie des monstres. Je me suis dit, ça va. Non, mais c'est un côté genre, ça va, t'en croises peu, quoi. Oui, enfin, c'est tranquille comme phobie, quoi. À la limite, dans un film, oui, regarde, on parlait des requins avec Elona, tu peux te dire, il y a des questions. Moi, j'ai peur des créatures à trois têtes. Ouais, voilà, c'est comme ça, il y en a, c'est des abeilles. J'ai peur des présidents qui tiennent leurs promesses. Oh, tu dois pas en croiser beaucoup. Ah, Edith. Ah, Edith, elle est politisée. Ah oui, Macron. Dans la scène. Bon, Katy Perry, un truc qui touche les enfants, tu dis? Non, les enfants ont beaucoup ça. Ah, les enfants. Surtout la peur du noir, la peur du noir. La peur du noir. Ça, je l'avais. Ça, je l'avais à une époque. Elle est nyctophobe. Voilà. Okay. Et elle a mis. C'est pas oclophobie? Oh, écoute, mon oncle Charlie sait. Non, elle admet qu'elle dort avec les lumières allumées parce qu'elle pense que beaucoup de choses mauvaises se produisent. Eh ben super, fais sauter la planète avec tes phobies de merde. Ah, j'ai une question, mais peut-être c'est que moi et je suis pas assez connecté à la société. L'oclophobie désigne une peur qui se met. Pardon. Peur de le. Non, c'est la foule, pardon, c'est n'importe quoi. Non, non, mais pardon. Attends, pas de soucis. Non, mais je vérifie, mais pour me corriger. J'ai dire vu que une j'avais pub pour ENG, enfin EDF, quoi. Laisse-moi. Qui disait oh, c'est trop bien quand vous faites des petits gestes comme ça pour pas trop utiliser l'électricité. J'étais genre, bah. Ça m'énerve que ce soit EDF qui dit ça. Oui. Tu sais, c'est genre les boudins de porte en disant eh ben vous avez vu, Corinne, elle a mis un boudin de porte pour que le froid il sorte pas. Trop cool, Corinne. Ouais. J'ai envie de dire bah, vous êtes EDF, niquez-vous. Ouais. Et surtout, c'est pas à vous de me dire ça. Et surtout, c'est ça, on le fait parce ça. Que vous, c'est trop cher. Et c'est ça, ouais, ouais, donc c'est moins ça. Par niquez instinct vous. Écologique ouais. Que les gens ouais. Sont dans la merde financière, bah, tu vois. Donc ça m'a vraiment énervé de la part d'Engie. Clippez-le, ça, Engie. Mettez-le sur Insta, tiens. Adèle, la chanteuse Adèle. Attends. Mais tu nous donnes des petits indices quand même. Je peux vous en donner au fil. Attends, du mais on peut poser trouver... des questions. Ah ouais, okay. Parce que moi j'en connais quelques-uns. Peut-être allez. Que j'ai tout oublié. Est-ce que ça peut l'handicaper dans sa vie professionnelle? Très très peu. Les chiens. Pas les chiens, mais on est sur un animal. Ah. Les. Bah, les araignées. Pas les araignées. Alors on est sur un serpent. Pigeon, t'as dit? Ouais, pigeon. Alors les on s'approche. Je connais des oiseaux. C'est les oiseaux. C'est un type d'oiseau particulier. Non, c'est les oiseaux. Les mouettes. Les mouettes. Oh putain. Et oui, la chanteuse a peur des mouettes. Selon Adèle, tout a commencé alors qu'elle n'avait que 9 ans. Elle marchait sur la promenade de Tenby, en Angleterre, en mangeant un cornet de glace lorsqu'une énorme mouette s'est abattue goéland, et a pris la glace. Adèle était terrifiée et du coup, elle a dû être prise en charge. Et, et elle a un petit noche quand même. Mais... Ouais, et du coup, non, je suis un gros con, pardon. Elle a été terrifiée d'être prise en charge. La mouette l'a chargée. Ah, voilà, ah, excusez-moi. Ah, okay. Ah oui, j'ai cru que non, vous n'allez pas me prendre en charge, vous allez me rembourser en plus. La après, mouette, elle a ramené un petit fauteuil roulant. Allez, venez. Après, les vidéos de mouettes qui volent de la bouffe aux touristes, c'est un des trucs les plus hilarants. Alors, si je puis me permettre, c'est souvent pas des mouettes, ce sont des goélands. Attention, il y a des mouettes aussi. Les mouettes, c'est vraiment un tout petit bec avec les yeux ronds. Non, les goélands, c'est un gros bec jaune. Peut-être, peut-être. Alors, arrêtez de me faire chier. Parce que moi, je vais sortir une BD bientôt. Là, <c'est> j'ai un pote qui a été. Bah, tiens, on parlait d'être surpris. C'était un pigeon qui lui a foncé dessus. Et il a eu un réflexe, il lui a mis une patate, il a tué le pigeon. Ah, magnifique. Ah, wow. Mais vraiment, ah, non, mais de dommage, réflexe, tu vois, le dommage, pigeon est passé près de lui, il a fait. Ah comme ça, ah ouais. Une droite. Ouais, juste... il était peut-être pas mort, il était peut-être juste sonné. Il s'est jamais relevé le pigeon. Ah ouais. Il est resté 2 heures. Bah, hein, ouais. Il a pris le pouls. Il a pris le pouls du pigeon. Mais ça se trouve, il s'est dit si je m'enlève, je vais me reprendre une, donc je vais dormir 6 mois. Non, mais la phrase j'ai mis une droite à un pigeon. Ouais, c'est vrai. Sonne un peu marrante quand même, même si c'est terrible marrant. Pour le pauvre animal. Mais... Matthew McConaughey ou McConaughey, je sais pas. Il a peur d'avoir trop. Les fruits moisis. Non. Les fruits moisis. D'avoir trop la classe. Non. Non. C'est un animal ? Non, c'est une peur. Alors en fait, elle est pas commune, mais si vous me dites la peur commune qui est liée, je vous l'accorde quoi. Ah, il y a une peur commune qui est liée ? En fait, c'est un truc très spécifique, mais c'est lié à un truc que beaucoup de gens ont. La peur de vomir ? Pas la peur de vomir. L'hémétophobie. Ouais, l'hémétophobie. Ça, je l'ai découvert. Hein. Vraiment, ouais. Ça a été. Ah, ouais. Moi, la première fois que quelqu'un me l'a dit, c'était Vanessa Bria d'ailleurs. Ah, oui. Je suis hémétophobe. Parce qu'elle arrivait pas. Je croyais qu'elle blaguait. Ouais. Bah, tu vois, ouais. Parce que moi, je trouve ça tellement marrant le vomi. Et je faisais beaucoup de blagues sur le vomi et tout. Elle dit non, mais Flo, arrête. Tu sais, genre vraiment, arrête. Ah, je dis genre, bon, ça va. Après, beaucoup de gens font des caisses. Je dis pas que c'est son cas, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah moi j'ai une phobie de ça. C'est... Par exemple le vomi, tu fais où non, non mais là il y a personne là, n'aime le vomi. L'homophobie est très galvaudée. Oui, phobie. Ouais, maintenant on dit phobie. Je crois qu'ils disaient l'homophobie est galvaudée. Non le mot. Non le mot. Il y a beaucoup de gens. Moi j'ai une phobie de ça. C'est genre oui mais moi non plus si on me dégueule. C'est fort sur les pieds. Tu vois. J'ai l'impression qu'il y a une église un petit peu en banlieue. Vous l'avez remise au milieu du village. Elle est bien au centre. Et du coup Mathieu McConaughey, il a peur de la foule. Ouais, non, d'accord. Mais c'est allié un il a peur de la solitude. Claustrophobe, non. Alors, c'est une forme de claustrophobie. Ouais. Il est clétrophobe. Voilà, à savoir qu'il a peur de se retrouver coincé dans une porte tournante. Vous savez, dans les magasins. Ah, wow, putain, mais les tourniquets, c'est hein, que quand. Oui. Ouais. Bah, voilà. C'est quand t'as de l'oseille, ouais, voilà. Ouais, c'est t'as le temps dans de les palaces, j'ai peur d'être coincé dans un palace. Ouais. Oh, ouais. Attention, des petits supermarchés, il y a ça aussi. Peur d'être des Leclerc, dans des Leclerc. D'être empoisonné par un room service disponible 24h sur 24. Ça va, Mathieu. Trop la vie peur va qu'on propose des films à Jude Law. Oui, voilà, c'est vraiment. J'ai la phobie des Rolls plaqués or. Megan Fox. Megan Fox. Ouais. La phobie d'être une bonne actrice. Non. Oh là là. Salaud. des renards, ce serait. Pas de renards. Ah ouais, des renards. Oh, oui. Ouais. Un animal. C'était pas un animal. Alors là, vraiment. À part des chiffres, d'un chiffre. Je vois pas l'avenir. Je peux vous dire qu'Adrien va peut-être dire qu'elle en fait des caisses. Voilà. Des spaghettis. Pas des spaghettis. Ah, non, c'est une sensation. Enfin, c'est un truc qui donne une sensation qu'elle n'aime pas. Le mouillé. L'amertume. Pas l'amertume. Les joints. Les éponges mouillées. Ma phobie, c'est l'amertume. Non, pas les éponges mouillées. Pas les, t'as dit les joints? Les joints? Non, pas les joints. Les joints de porte, par exemple. Le velours. Non. Le velours. Pas le velours. Mais on est ça, on est sur du toucher. Ah, on est le sur de la matière. Le polysirène. Pas le polysirène. Et c'est une matière qu'on cherche. Comprendre. Le jean. C'est une matière pas le jean. Ah, tu dis que Adrien pourrait dire qu'elle en fait des caisses, okay. Que genre arrête. Oui. Les matières qui sont hautes que de la soie ou le papier bulle. Pas le bois. Le bois, je pourrais. Moi, les échardes, par exemple, me font très peur. Oui, enfin, non, mais tu vois, toucher du bois pourrait me. T'es en train de le faire, t'as pas de phobie. Non, j'ai pas dit que j'avais une phobie. Non, mais voilà. Caresser un requin, ça m'effraie. T'es en train de le faire là. Tu lui as fait un bisou sur le museau. Et c'est une matière de vêtements? Non, c'est une matière qu'on a tous. Le béton. Ah, la peau. Non, non, qu'on a tous à portée de main. Ah, le jean. Non. Le plastique, non? Non, on parlait d'écriture. Le papier. Le papier sec. L'actrice a tellement peur de toucher du papier sec qu'elle a besoin que ses documents importants soient plastifiés pour pouvoir les toucher. Ouais, bien sûr. Et avant d'être riche, c'est le cas ou pas? Ouais. Ou alors c'est. Bon, ouais, et ouais, lorsqu'elle lit des scénarios, elle garde une tasse d'eau à ses côtés pour pouvoir y tremper ses doigts avant de tourner la page. Bah, grande malade. Grande malade. Surtout que pour moi, tu déchires la page en faisant ça. Ouais, ouais, oui, ouais. Ah non, c'est comme les gens qui se lèchent le doigt. Oui. Blague, excuse-moi. Est-ce qu'on peut appeler Non, mais attends, il faut être. Matt Damon. Oh putain, je le savais ça. Peut-être pas. Il est à chaque nom que tu dis, je me dis, oui. Je le savais, ouais, mais non, en fait, parce que je m'étais renseigné là-dessus justement. Matt Damon, il a peur des pommes. Non. Matt des pommes du coup. Ouais. Oh, do you like them apples? Oh là. Ouais. Matt Damon. C'est Will Hunting. Ouais. Il a peur de. Petit coup de mood de côté de Lolo. Il y a eu un train qui a été pris très tôt ce matin. J'en ai plus que deux. Animal? Ouais. Oh, ouais. Serpent. C'est les reptiles en règle générale. Ah ouais ouais. Pendant les lézards, le tournage. Bah, non, c'est ça. Non mais c'est ça. C'est les reptiles. C'est les reptiles. Type de reptiles. Pendant le tournage de Without a Zoo de Cameron Crowe, pendant plusieurs scènes où des serpents devaient être sur le plateau, Damon commençait à transpirer à chaque fois qu'il était près de ces serpents. Et il a fait en sorte d'être doublé sur certaines scènes parce qu'il ne pouvait pas s'approcher. Bon, mais ça se comprend. Ça oui. C'est ok. Allez, on va dans un truc un petit peu plus surprenant. Taylor Swift. Alors, qui est une queen, je préfère vous le dire tout de suite. Alors, est-ce que c'est pas un truc genre les cuillères Non, attends, t'es sûr ça, ouais. C'est encore des animaux. Oh. Mais d'une certaine manière. Les mouches. Non, mais c'est un animal, ouais. Mais c'est. Ça vit sous la mer, voilà, vous le dites. Les étoiles de mer. Pas les étoiles les de mer. Crevettes. Les oursins. Elle a peur des. Ouais, bon, ça va. Elle a peur de quoi, les oursins. Dans son jet privé, il doit pas y en avoir beaucoup, des oursins. Elle est terrifiée par. Alors, tout ce que tu dis, elle slaye chaque jour que Dieu fait. Ouais, fait elle slaye la planète, surtout. Oh, j'ai l'impression. Oh, oui. Si je peux me permettre, oui. Il est pas électrique, son avion. Elle est terrifiée par les oursins. Lors d'une émission, elle avait comparé les animaux marins couverts d'épines à des grenades qui attendent immobiles de pouvoir vous blesser profondément. Ouais, alors que son jet, par contre, ça va, ça. Oh, arrêtez. Bah, arrêtez. Ça va de critiquer les animaux. Oprah Winfrey. Alors là, c'est pas un animal. De la pauvreté. Non. Ouais, phobie des mauvaises audiences. Non, non, ce n'est pas ça. Ça a été un petit peu laborieux. Ouais. Oui, je me suis endormi encore une fois. Oprah Winfrey, les chiens. Non, c'est une activité qui la dégoûte. Une activité, le spiritisme. Pas le spiritisme. La vaisselle. Non, ce serait drôle. Oh là là, cela dit, attention. Ah, c'est proche. Non, c'est pas ça, mais moi. Faire la vaisselle, alors on dirait une excuse de mec qui veut pas faire la vaisselle. Oui. Ça l'est d'ailleurs. J'aime pas la sensation, tu sais, d'avoir. Ah, visqueuse. Non, mais de se blesser. Tu mets des gants. Faut mettre des gants. Oui, faut mettre des gants. Blessé, attendez quoi. Tu sais, quand tu passes l'éponge sur la. Tu sais, déjà, je trouve que ta sur peau, elle est mouillée. Sur le couteau. Non, mais ta peau, elle est mouillée, donc elle est un peu plus écailleuse, un peu plus fragile. Et je suis jamais blessé en. Les couteaux, bah moi, je me suis déjà blessé en. Bah, apprends à faire bien la vaisselle. Alors, Rafou aussi, elle s'était blessée. Écoute, ça arrive. Les verres aussi. Ça va arriver, mais bon. Oh là, horrible ça. Ouais. Oh là là, oui, donc ne faisons pas la vaisselle. Donc, conduire. Pas conduire. Et une activité qu'on peut proposer à quelqu'un, par exemple. On dit, oh, aller tiens, au cinéma. Ça. Non, non, non. Ah, fais ça. Fais ça parce que c'est pas très agréable pour les autres. Le yoga. Ah, non. Mettre du déodorant. Se laver, on se laver. S'approche, pas se laver, pas mettre du déodorant. Le parfum. Non. Se laver les dents. Le bain, la douche. Non, on est très proche. La se bouche. Mettre du fil dentaire. Un chewing-gum. Le chewing-gum. Les gens qui mâchent des chewing-gums. Ah, les gens. Ah, ouais, je comprends. Elle souffre de chicléphobie. Alors c'est alors c'est un autre chiclé, mot ça veut que dire chewing-gum en espagnol. Misiophobe là, ceux qui supportent pas la misophonie, à la les bruits misophonie, ouais. Ah, et c'est encore un autre mot, quoi. Ouais, c'est ça. Misophonie, c'est vraiment faire des petits bruits dans le micro, genre de manger. Non, c'est tous les bruits. Ouais, c'est tous les bruits, mais c'est les bruits un petit peu. Quand tu manges, ouais. Voilà, et le chewing-gum, c'est comment tu dis ? Ça, c'est la chicléphobie. Chicléphobie, non, mais vraiment, on a entendu. Mais tous les gens qui mastiquent, donc quelqu'un qui mange devant elle, ça doit la déranger. Ouais, forcément. Peut-être, je la connais pas perso. Bah, appelle-la. Ça sent l'excuse pour pas aller manger avec des gens. Ouais, chicléphobe. D'ailleurs, inventez le mot, je pense. Je suis chicléphobe. Quoi ? Cherche pas dans le dico. Ouais. Que tu racontes. Ne cherche pas sur Google ce mot, mais je le suis. Fais-moi confiance. Il y a Jamie Foxx qui fait une bulle là, avec son juste à côté là, et ça te fait rien du tout. Et enfin, la dernière, Madonna. Madonna. Vieillir ? Non. Non, mais. Je vous donne le nom, ça s'appelle la brontophobie. Je peux vous le donner parce la que vraiment. C'est la peur de l'herbe. Des vaches. Pas l'herbe, pas des vaches. Attends, parce qu'on a brouté, je pense. Ouais, mais c'est pas par rapport à brouter. Bronto. Peut-être la phobie de Brout, le programme de Bertrand Sclat, non ? Et du coup, là, le dernier est sorti, ça l'a rendu folle. Elle a désinstallé Canal. Est-ce que c'est un rapport avec un organe ? Non. Un animal ? Non. La brontophobie. Mais c'est quelque chose. Bah, c'est avec les bronches ? Non. Le cou ? Non, pas le cou. Pas sur le corps, c'est pas le corps. C'est pas le corps. Ok. C'est un truc qui arrive de temps en temps, pas toujours, mais qu'on vit tous sur la planète, hein, qu'on voit en tout cas. Tomber. Pas tomber. Non, c'est un truc vraiment. C'est un phénomène qu'on observe sur la planète. Un phénomène, c'est un très bon terme. Ah, les orages. Elle a peur du tonnerre et des éclairs. Ah, les chiens. Et oui. Mais ça, il y en a beaucoup qui ont peur, même qui vomissent des fois. Qui vomissent à cause du tonnerre. Ouais, c'est alors si t'es hémétophobe et brontophobe, ça les rend malades en fait. Ah ouais. Parce qu'ils ont l'impression que le ciel va leur tomber sur la tête. Oh, c'est une BD ça. Attention. Souvent la brontophobie est liée à d'autres phobies telles que la phonophobie et la crainte des sons forts. Et c'est ça en fait. Ok. Voilà. Chers amis, ça fait 1h42 qu'on parle. On va passer aux recommandations culturelles. Alors évidemment, Bouchon est sur YouTube et sur Arte.tv. Mais est-ce que vous avez d'autres choses à conseiller aux gens ? Ça peut être des films, des séries, des livres, peut-être une BD, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Un album, Adrien, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ? Oui, alors j'avais rien jusqu'à ce matin. Et en fait, je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Réflexion Basse. Ok. Alors qu'il n'y a même pas 2000 abonnés au moment où je parle, donc c'est très voilà. C'est niche. Et j'ai envie d'y mettre un petit chien. Il doit y avoir 5 vidéos en ligne pour l'instant. Et j'en ai vu qu'une, donc je ne peux pas m'exprimer sur la qualité des autres. Mais celle que j'ai vue était très chouette, c'était sur la pensée positive. Donc c'est surtout les problèmes de l'injonction à la pensée positive et la positivité toxique et tout ça. C'était assez intéressant, bien fait. Il a également la voix de Sébastien Chassagne. D'accord. La même voix, c'est la même voix. Ce qui est agréable, moi je l'adore cette voix. Ah oui, c'est une superbe voix. Moi j'étais vraiment agréablement surpris de la production value, c'est vraiment très bien fait. Et tout. Ça s'appelle comment ? Réflexion Basse. Réflexion. Il a fait aussi 3 vidéos sur la clope, donc il doit avoir un problème avec ça perso, j'imagine. Ouais. Parce que c'est genre, il y a genre les pires mythos sur la cigarette. Enfin, vraiment 3 trucs sur pourquoi vous devriez arrêter de fumer, etc. Donc je pense qu'il a un truc avec ça, une sorte de petite lubie. Sur YouTube, hein. Ouais, c'est sur YouTube. Et du coup, je fais aussi une reco à la personne qui m'a fait découvrir cette chaîne. C'est alors moi je l'ai vu sur YouTube, mais il est aussi sur Twitch. Donc la chaîne YouTube, c'est très chiant. Bon, malheureusement son nom c'est c'est-à-dire E U U H H H. Ah oui. Alors attention, c'est le sosie de un créatif, mais c'est pas du tout lui. Ouais, c'est ça, c'est un créatif. Non, pas du tout, surtout pas. Rien à voir. C'est pas du tout, c'est Roro, ça n'a rien à voir. Ok. Et donc en fait, il fait sur Twitch beaucoup de react. Okay. Alors, lui aussi la pensée positive. Bah c'est la vidéo. En fait, justement, il a fait une vidéo où il regarde cette vidéo là et il y réagit. Et du coup, c'est ça que j'ai vu. Bien joué. Et du coup, j'ai vu les deux en un. Mais, mais c'est vrai que je regarde souvent les vidéos de Roro où il fait du react. Des fois, il fait du react sur un truc qui est bien. Ouais. Mais souvent, il fait un peu du react sur des trucs un peu nuls et c'est marrant. Oui. Genre, il fait des reacts sur des trucs de genre striptease, etc. Ou sur des coachs un peu nullos et tout. Et tu regardes les vidéos de l'apérotube. C'est quelque chose. C'est quoi ? C'est des trucs que je fais des fois avec des potes. C'était Gonzague qui faisait ça à l'époque. Ah, mais oui, bien sûr. Qui était très gênant. Alors, n'hésitez pas à remater ces vidéos, c'est très gênant. Voilà. Eh ben, écoute, ça glace le sang. Je pense qu'il écoute en plus. Une époque catastrophique d'internet. L'apérotube, je vous le dis. la joie d'y avoir jamais foutu les pieds. Mais voilà, si voilà. Vous voulez vous glacer le sang, je venez... pense qu'il écoute le vlogcast, voilà. Donc possiblement une inspi. et donc voilà, Roro qui est sur, il est sur Twitch et donc il y a les replays sur YouTube de ses lives qui sont un peu montés et tout, où il enlève les temps morts. Okay. Donc c'est assez marrant. Et donc voilà. Regarder. Double recours. Très bien. Éléonore. Oui, alors moi j'ai un livre à vous recommander qui s'appelle Le Volume du Temps. Okay. C'est une septologie suédoise. Alors l'autrice, je vais pas réussir à le dire, je suis désolée, mais c'est Solveig Ball. Ok. Très simple. C'est une nana qui s'est isolée des années pour écrire ses 7 tomes. Okay. Il y en a que 2 qui sont traduits en France pour l'instant, donc j'ai trop hâte de la suite. Mais voilà, vous pouvez déjà vous procurer les 2 premiers volumes, c'est formidable. Après, replay sur Netflix, moi j'ai adoré. D'accord. Et j'ai adoré aussi Le Petit Reine, évidemment. Ah putain, j'ai entendu beaucoup c'est parler. Très très bien, vraiment. Oui, replay, c'est avec Andrew Scott, c'est ça. Enfin, le gars de Fleabag. Bah, Andrew Scott Fleabag, et Johnny Flynn surtout. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Okay. Johnny Flynn. Ça a l'air très sympa. C'est vraiment bien. C'est super bien réalisé. C'est très beau. Ok. Pareil, c'est très très beau. C'est très très beau. Et puis c'est c'est tout. Enfin, vraiment, tout est formidable. J'ai adoré. Faut que je mette. Nico. Alors moi, ça va être une série que j'ai adorée qui s'appelle Bad Sisters. Ok. Ah ouais, hyper excellent. Qui est sur Apple TV. Ouais. Alors bon, faut avoir Apple effectivement. Je crois que c'est sur Canal. Enfin, quand t'as MyCanal maintenant, Apple TV fait partie du truc. Et c'est super. C'est écrit par une femme. Il y a énormément de très jolis rôles de femmes. Il y a un petit côté un peu comment le définir. En gros, c'est le postulat de départ, c'est une fratrie de sœurs, une sororité. Et il y a une des sœurs aînées qui est très malheureuse en ménage. Son mec est odieux, horrible et tout. Et ses autres sœurs se disent, c'est pas possible, faut qu'on la sorte de là. Et elle décide de tuer le beau-frère. Ah. Voilà. Et après, il se passe tout un tas de choses. Okay, et donc, j'ai adoré cette série. Il y a combien de saisons ? Il n'y en a qu'une seule. Ils en prévoient peut-être une deuxième, et c'est l'adaptation d'une série belge que j'ai pas vue qui s'appelle Le Clan. D'accord, ok. Voilà. Moi, je connais là, pas. Ça se passe en Irlande, en tout cas, cette version-là, Bad Sisters, j'ai beaucoup aimé. Replay aussi, super. Et mais sinon, nous les Leroy. Oh, t'es gentil. Toi, t'es trop gentil. Con. Toi. Ouais, moi, je suis con, putain. Mais non, t'es super. Moi, je trouve, moi, je trouve génial. Très bien. Et écoutez, merci beaucoup. Dernier petit tour de table, donc effectivement, Bouchon, YouTube, Arte.tv, tout est dispo, tout est gratos, donc c'est quand même un vrai régal. N'hésitez pas à aller voir tout ça, et même aller voir tous les travaux d'Elodor Cos sur sa chaîne YouTube, tout est dispo. Les Stocomaniacs, tout ça, n'hésitez pas à aller voir. Adrien. Toujours la bonne auberge. C'est jusqu'à quand la bonne auberge? La bonne auberge, alors là, en gros, il reste. Enfin, en gros. Là, je sais plus parce qu'il y a des épisodes enregistrés tout ça, mais en gros jusqu'à fin juin, donc il en reste 2 ou 3 selon le moment où vous écoutez. Okay. Et ensuite il y a une longue pause et a priori, alors je sais pas si j'ai le droit de dire, mais en tout cas plus tard, parce que le dernier épisode sera en live. Oh. Dans une et c'est l'épisode final de toute cette campagne des génial, persos et tout. Permettre d'abé, hein. Voilà, et donc ce sera dans une a priori, on va essayer d'avoir une belle salle et tout ça. Donc ce sera un peu plus tard le temps de pouvoir organiser ça. Là on a eu 2 épisodes. Où il y avait 3 d'ailleurs, je sais plus, Médoc et Moguri du Cozy Corner qui étaient en guest. Excellent, très drôle. Ouais. Et voilà, et sinon, retrouvez-moi nulle part. Car je ne souhaite qu'une chose, me couper du monde, et ça m'arrive, je fais beaucoup mieux. Donc, si vous me voyez disparaître. Ne vous étonnez pas, ça me va très bien. Sachant qu'en plus, la semaine prochaine, alors on devait faire un truc, on n'a toujours pas d'idée, mais c'est le 200e épisode du Floodcast. Ah ouais, 200, c'est vrai. 200 épisodes. On ne pouvait pas faire une petite fiesta ? Fiesta, non, bien sûr que non, ce serait très mal de connaître, mais trouver un concept, un truc qu'on aurait bien aimé, mais j'ai rien, parce que je suis sous l'eau également, comme Jason. Ah oui, bah oui. Et voilà, donc les Leroy, moi, nous les Leroy, toujours au cinéma, dans moins de salles qu'avant, effectivement, Arcus nous laisse. Avec un peu de sympathie, quelques salles à droite à gauche, mais bon, il en reste plus beaucoup. Mais le film passe encore dans ça y est, on est dans l'autre circuit de diffusion, à savoir les petites villes, les villages et tout comme c'est ça. Bien, donc c'est trop bien. Non, genre le retrou, c'est pas prévu parce que je le guette chez moi, il y est pas. Je sais pas, écoute, faut demander. Il faut savoir que c'est vraiment. Moi j'ai découvert tout ça, mais c'est vraiment les exploitants de salles qui décident. Ouais, c'est les ça. Exploitants oui, ne veulent oui, pas. Ouais, ouais. Voilà, nous, heureusement, on a eu un très joli. Un très joli rayon, enfin voilà, les gens ont kiffé le film et tout, donc on a été beaucoup diffusé, c'était chouette. Mais c'est les salles qui décident qu'est-ce qu'ils prennent. Et forcément, des fois, quand t'as. Bah là, en ce moment, il y a beaucoup de choses, quoi. Entre, donc, il y a le film d'Arthus, mais il y a Planète des Singes, Les Amis Imaginaires, Fall Guy, tout ça. Donc, forcément, il y a moins de salles. Mais alors, je reçois des messages, les gens sont obsédés par les chiffres. Ils me demandent, mais c'est bien 500 000 entrées et tout ? Oui, oui, c'est très bien. C'est un vrai succès. Oui, le film a coûté un peu plus de 4 millions. Donc, 500 000 entrées, c'est vraiment un très beau chiffre. Et là, en ce moment, je travaille d'arrache-pied sur le Blu-ray, qui devrait être sympa. Il y a des chouettes bonus. Ouais, là, franchement, on a essayé de faire une belle édition. Donc, s'il y a des gens qui aiment les formats physiques, alors, ce sera pas aussi stylé que le gros coffret 4K de Vermine, parce que ça, c'était, ça n'avait aucun sens. Mais, mais parce que pour une comédie, à la base, le film ne devait sortir qu'en DVD, il ne devait pas y avoir de Blu-ray. C'est moi qui ai dû demander que le film soit aussi en Blu-ray. Donc, n'hésitez pas à l'acheter quand il sortira, parce que sinon, DVD, c'est ridicule. Personne n'en achète des DVD. Bah, en fait, c'est ce que je leur disais. En fait, je leur disais, autant faire une jolie édition, parce que je pense que dans les gens qui suivent mon travail, eux peuvent être intéressés par le format physique, mais il ne faut pas que ce soit juste bêtement le film sur un disque, quoi. Proposer un petit truc en plus. Donc, normalement, il y a du. Non, un petit truc en plus, attention, c'est un autre film. C'est ça, en fait, on peut le dire, il y aura les deux films. Il y aura un petit truc en plus dans le Blu-ray des Leroy, donc achetez-le. Non, mais il y aura du commentaire audio, il y aura des making-of. Enfin, voilà, on est en train de faire une belle édition, donc ça, c'est trop cool. Et puis même visuellement, vous verrez, il y a des petites surprises, donc c'est trop cool. Trop bien. Voilà, Vermine, d'ailleurs, est en ce moment dispo partout en VOD et en DVD, Blu-ray, 4K. Voilà, y a tout, il est sur Canal. Il est sur Canal et tout. Enfin, Canal payant. Enfin, il faut l'abonnement. Non, mais même en location, il faut. En VOD. Non, il sera pas sur Canal parce que c'est pas Canal qui a financé Netflix. Et nous les Leroy, il sera ou pas ? Il sera sur Canal. Ah, mais Vermine, c'est Netflix qui a cofinancé, c'est pas Canal. Donc, donc tu peux pas, d'accord. Il sera d'abord sur Netflix, mais pas tout de suite, je crois que c'est l'été prochain. Quoi. Donc, donc voilà. Bernie Flard dans les salles parisiennes. Ouais, enfin, voilà. Bernie Flard, j'allais y aller. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le stand-up maintenant qui prend quand même pas mal de place. Ouais, ouais, ça prend de la place depuis une petite année maintenant. Voilà. Écoute, j'y prends parfois du plaisir, parfois pas du tout. Bah, c'est le concept. Ouais, je crois que c'est de la vie. Mais, mais en gros, ouais, je commence à avoir peut-être une petite demi-heure que je vais commencer à jouer là à partir de juin. L'ambition de faire un spectacle, là, génial. Histoire de l'avoir fait au moins une fois. Mm-hmm. Après, pas mal de BD pas. Aussi, je pense. Énormément dans le de BD. Ouais. Bah, je vais adapter toutes mes semaines en BD, quoi. Ceci donc, dit, Léonore, tu travailles sur une BD en ce moment. Oui, elle sort en septembre. En ça septembre, y est. Bah, ah, trop bien. On peut dire le titre, peut-être. Elle est finish. Ah ouais. Ça s'appelle Pauvre Meuf. Ok, ça parle de quoi ? De moi. J'allais le dire. Non, ça parle de. C'est pas la meuf qui t'a poursuivi celle-là. D'une batte. Ça parle de ma relation aux hommes, des producteurs avec lesquels je me suis retrouvée dans des saunas, enfin des trucs comme ça. Sympa, j'ai hâte de lire. Bon, bah trop cool. Bah merci. Rien tout à monde. Voir avec la scène du sauna dans Bouchon. Hein. Rien à voir. Rien à voir, mais très beau cache-sexe. C'est, on peut peut-être le vendre comme ça, Bouchon. Il y a un très beau cache-sexe de Nicolas Vernet. Un beau cul. Un bon cul. Merci tout le monde. Salut. Salut, ciao. Merci, salut. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.